Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles, le podcast consacré à la WWE et cette fois-ci bah, au grand pay-per-view de l'année, Showcase of the Immortals, WrestleMania. Bah, on s'excuse pour l'annulation du live. Initialement, on avait prévu de le partager avec vous en direct ce jeudi soir, là où on enregistre. Malheureusement, des problèmes techniques nous empêchent de diffuser sur Twitch. Ce sera pour une prochaine fois, on espère assez rapidement. Mais bon, ben en attendant, ben on espère que vous allez apprécier ce numéro avec ben la fine équipe rassemblée et ben Kevin qui est là, l'homme des grands rendez-vous. Salut Kevin. Eh oui, toujours, salut, salut, toute la bande de bras cassés, heureux de vous retrouver une fois tous les 6 mois, hein, il faut bien le dire. Donc voilà, j'étais évidemment immanquable pour ce grand rendez-vous qu'est WrestleMania. Et ensuite, Gus, salut Gus. Salut. Salut Renaud, oui. Salut les gars, salut tout le monde. Oh, je commence du sud, quoique Renaud c'est plus au sud en fait. Je remonte, et ben on a Sébastien, salut Seb. Ouais, salut tout le monde, hein. Je suis déçu de ne pas faire le live, j'ai pas pu le faire la dernière fois, ce soir on n'a pu le faire non plus, mais bon, ce sera la prochaine fois. Et puis bah, le plus au nord, parce qu'il faut toujours en présenter un nordiste dans l'émission, bah, c'est celui-là dont l'image est un Triple H qui fait un peu la gueule, et il aura des raisons. Ce sera Orbaz. Salut Orbaz. Salut tout le monde, alors bon ça va, je suis de bonne humeur quand même, hein, malgré le fait qu'on soit pas en live, donc bon. Donc sur ce, après ces présentations, pleines de bonne humeur, ben on va Non, passer à pas de l'analyse. bonne humeur. On va passer à l'analyse de WrestleMania. Avant, on vous parlera un tout petit peu du Hall of Fame quand même, avec malheureusement une personnalité du Hall of Fame qui nous a quittés. Vous le savez peut-être, même sûrement, on imagine, mais bon voilà, on va dire dédier ce numéro évidemment à Ultimate Warrior. Et en attendant, le theme song de WrestleMania, et puis ensuite, eh ben, on passe au gros morceau, parce qu'il y aura aussi Raw du lendemain qui a délivré quand même de sacrées surprises. À tout de suite. Donc nous revoilà à WrestleMania, enfin la veille d'abord, parce qu'on parle un petit peu du Hall of Fame, parce que je sais qu'il y en a un ici qui fourmille, même s'il a peut-être pas vu, mais fourmillé à l'idée d'un nom. Je vais vous énoncer la liste des intronisés avec la personne qui les a intronisés. Alors on a Lita qui a été intronisée par Trish Stratus, Paul Normal. Bearer intronisé par Kane, Carlos Colon. Intronisé par Edwin Colon, Orlando Colon et Carly Colon, ben vous ne les connaissez pas sous ces noms, évidemment, ça c'est leur réelle identité, Carlito. Je vais prendre dans le Epico et désordre. Primo. Voilà. Epico et Primo qui sont d'ailleurs Diego et Fernando, mais bon, voilà. Assez tordu, hein. Mr. T qui a été introduit par Gene Okerlund. Razor Ramon qui a été introduit par Kevin Nash. Logique. Ouais, logique, ouais. Et bah, autre logique, est Jake the Snake Roberts, introduit par DDP. C'est notre incontournable, je dirais, si vous écoutez l'émission régulièrement maintenant. Il y en a un ici qui ça fait plaisir. Non, on en avait pas mal parlé la dernière fois, je me rappelle, lors du pré-WrestleMania. Bang! C'est carrément logique, là aussi. Eh oui. Et puis, l'Ultimate Warrior qui était intronisé par Linda McMahon aussi. Voilà. Oh, le Et moins logique, c'est peut-être Gene Okerlund qui intronise Mr. T. C'est un peu moins logique pour les ouais, autres. J'ai juste une petite question. Le lien, en fait, entre Linda McMahon et Ultimate Warrior, parce que pour l'introduire, il faut quand même un lien. Non, mais là, c'est historique, parce que le Warrior, il était en froid avec les McMahon, et que Vince, il apparaît pas en ce moment. Et que oui, ah, d'ailleurs, petite anecdote, là, Triple H a dit aujourd'hui, dans une interview pour réagir à la mort du Warrior, il a dit que Vince McMahon a dit durant le week-end à Ultimate Warrior qu'il y a eu des qui se sont pas aimés mais qu'il a toujours aimé, voilà. Ouais, enfin, maintenant c'est sûr qu'il dit ça. Oui. Ouais, bon. Voilà, c'est bon. On pourra le vérifier. On a des nouvelles de Vince. Bah qu'il était en coulisses et qu'il laisse à Triple H oui, voilà. et sa fille oui, c'est se driver devant la caméra. Fait. Ouais. De plus en plus, il laisse la main à Triple H. Ça, c'est quelque chose de certain. Surtout Stéphanie, au niveau du business, à mon avis. Mm-hmm. Mais ouais, là, il est en phase un petit peu de doucement céder la main. Mais à mon avis, on va revoir le personnage de Vince McMahon prochainement. Mais j'en reparlerai. Préciser que chaque année, Vince, il est en coulisses au Hall of Fame, même quand il gérait vraiment la fédération lui-même. Et il distribue les bagues du Hall of Fame en coulisses, généralement dans une petite salle privée. Il prend les photos avec les catcheurs. Et ben du coup, a posteriori, on aura eu, entre guillemets, deux intronisations posthumes, parce que vu que le Warrior, malheureusement, est décédé 3 jours après à peine, Paul Bearer, malheureusement, nous a quittés il y a quelques mois, donc voilà. Il y a un an quand même, Paul Bearer, maintenant. Hein. Non ouais, un peu, un peu. C'était pour la fin de la WrestleMania. Ça a été carrément incorporé la rivalité. Oui, c'était le 5 mars. C'est en mars, c'était 4 semaines avant. Moi, j'aimerais quand même... J'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce qu'a dit le Warrior lundi à Raw, je sais pas. Ouais, quand déjà le matin, j'avais pas vu les résultats encore, hein, je regarde je vois le décès, enfin je vois et à côté, il y avait inscrit ce qu'il avait dit la veille à Raw. Et je me suis dit mais merde, il faut que je regarde et je sais pas si vous avez vu Raw hein les gars, mais le Warrior, je l'ai trouvé vachement affaibli. Et le discours qu'il dit, c'est-à-dire qu'il était déjà, si il était déjà au Hall of Fame, donc moi il me paraissait pas si mal que ça, c'est-à-dire ça m'a pas mal surpris parce que bon ok hein, le gars il était pas non plus, il pétait pas la forme quoi, mais il m'avait pas l'air non plus sur l'hôtel de la mort quoi, il était pas l'hôtel de la mort, c'est pas terrible comme expression, enfin bref, c'est vraiment a posteriori quand tu regardes, quand t'écoutes un peu son dernier discours, c'est vrai que c'est là que ça, tu te dis bon il y a quelque chose quoi, et le mec savait qu'il en avait plus pour longtemps ou un truc comme ça quoi, donc bon, mais comme ça quand tu le vois bah il fait son truc, il fait le Warrior, mais bon sans plus quoi. Après, c'est pour ça que ça choque pas mal, quoi. Il avait pas l'air si faible, à Raw, quoi. Ah si, à Raw, je l'ai trouvé très très faible, moi. Non, moi, pas spécialement, honnêtement. Pas si, plus qu'un autre, moi, je suis désolé, mais à côté... Je suis désolé, mais il était carrément essoufflé quand il a peut-être... À côté, l'Undertaker me paraît vachement plus mourant que l'Ultimate Warrior. Hein. L'Undertaker, c'est dans son personnage qu'il est mourant. Ouais, mais non, même dans le ring. Dans le ring, il est mourant, quoi. Niveau âge, ça se tient, hein, parce que le Undertaker, il a dépassé la cinquantaine, je crois, et le Warrior, il est décédé à l'âge de 54, donc. Taker a 49 ans. Ah, ok. Ça arrive vite, hein. C'est un indice, d'ailleurs. Peut-être que le Taker arrêtera à 50, d'ailleurs, on verra plus tard. Mais c'est vrai que le Warrior, c'est quand même hyper choquant, parce que, le mec venait d'être il y en a trop du Hall of Fame, on le voit au Raw du lendemain, et puis d'un seul coup, voilà, on apprend ça, c'est hyper choquant, et c'est vrai que quand on entend son discours, on se dit, mais c'est dingue, est-ce que le mec le savait, je sais pas, ça a toujours été un personnage atypique hein, du début, même quand il était catcheur à plein temps, et j'ai l'impression que jusqu'au bout, il aurait été comme ça. Si on doit se souvenir d'une image du Warrior, c'est son match contre Hulk Hogan à WrestleMania 6, on en a parlé récemment dans un vintage d'ailleurs, que vous pouvez écouter, WrestleMania 6. Il y avait Gus qui était avec nous aussi, avec Bruce Lee. Et c'est un combat classique, c'est le grand match de l'Ultimate Warrior à la WWE. Le soir où il devient champion du monde dans un main event de WrestleMania. Voilà, ouais. C'est ça, c'est cette image qui domine de toute façon. Après, il a eu des très bons matchs contre Rick Rude ou Savage, mais si vraiment vous voulez voir un combat du Warrior, c'est contre Hogan à WrestleMania 6, clairement. Ouais. En plus, le match a pas mal vieilli, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais, franchement. Ouais. Pour en revenir, quand même, personnellement, on s'y attendait pas du tout, quoi. Moi, au début, je croyais que c'était un gros fake. Parce Mais en même temps, une mort, je te dis, pas trop. Ouais, en ce moment, les fakes, ça y va. Alors, je me suis dit, au début, bon, ça doit être un fake, parce qu'il y avait personne d'autre qui avait relayé l'info. Et je dirais, sur quel site j'ai vu cette news. Je me suis dit que c'était des conneries, et que j'attendrais de voir si c'était réellement vrai. Ou alors j'attendrai de voir. Ouais, malheureusement, quand la news est venue de TMZ, qui est le site américain vraiment de référence pour toutes les nouvelles comme ça, faits divers et compagnie, ils avaient et au passage, ils sont très informés aussi. Et aussi, ils sont très informés sur tout ce qui est showbiz et tout ça. Donc, divorce, prise d'alcool, prise de drogue, arrestation. Sextape d'Hogan. Et oui, non, mais c'est vrai en plus. Ouais, donc. Non, mais c'est sûr, oui, c'est choquant, ça n'a rien à dire. En 2 jours, on a accumulé 2 choses très choquantes quand même. à deux degrés différents, bien sûr, un degré extrême, un degré beaucoup plus émotionnel, je dirais. Donc, ouais, le mec, il clôture sa vie en étant intronisé au Hall of Fame, quoi. Ouais. Et par son anniversaire, en réalité, parce qu'il y avait vraiment tout juste 54 ans. Hein. Donc, ouais. Voilà. Bon. Apparemment, il serait décédé d'une crise cardiaque foudroyante qu'il a laissé sur le tapis. Ouais, qu'il a laissé sur le tapis, quoi, ça c'est clair et net. Ça correspondrait avec apparemment, d'après des témoins, il est en train de marcher et d'un coup sec, il est tombé. Ouais, bon. Faut savoir une chose quand même, ça a été un très très très très gros consommateur de stéroïdes. Ah oui, ça oui, on le savait. Je veux pas. Non, mais après, non, faut pas salir son âme, attention. Truc, parce que oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose la vérité. Qui fait le buzz majeur aux États-Unis, c'est une grande présentatrice là-bas, Nancy Grace. Mais elle s'est mise littéralement à dire que c'est à cause de la drogue et elle a même imputé la mort accidentelle de Wayne Hart en 1999, je crois, aussi à la prison. Ouais, mais là, elle a dit des conneries aussi, un petit peu. Wayne Hart, il y a le cap qu'elle a lâché. Dans le monde du catch, très très ému par rapport à ça. Donc, Wayne Hart, c'est peut-être celui qui a installé la tyrolienne qui était droguée, mais... Oui, voilà, là, tu peux pas comparer la mort de Wayne Hart, compare celle de Rick Rude à la limite, ou... celle de plusieurs gars, parce qu'il y en a des tonnes. Chris Benoit, voilà, bon, là c'est plus les coups de chaise, hein, mais ouais, mais bon, il prenait il y a l'accumulation, hein, il y a l'accumulation, il y a aussi Eddie Guerrero, quoi. Voilà, on pense forcément de Test, Umaga, Test, enfin voilà, j'avais une news comme quoi le fils de Chris Benoit demandait à ce qu'il soit entré au Hall of Fame. Ça va être mort, son fils. Il y a alors un de ses fils, ou alors je sais pas, ou c'est son fils. Son premier fils qu'il avait eu avec une autre femme. Il y a pratiquement aucune chance que Chris Benoit arrive au fame. Parce que bon, c'est simple. Ça correspond pas à l'image. Vince, il l'a banni. À partir de ce moment-là, il l'a banni tout simplement de la WWE, hein, c'est tout. Hein. De là à flouter son image carrément, à éviter qu'on parle de lui et tout. Enfin bref, c'est. Voilà, c'est tout. Il est banni. Enfin, bon, mais sur ces notes pas très gaies, mais malheureusement, faut commencer par ça, parce qu'on peut pas non plus finir par ça, bien sûr. Ben, on va passer à WrestleMania, mine de rien, qui avait lieu le 6 avril, enfin le 7 chez nous, devant 75 167 spectateurs au Mercedes-Benz Silverdome, non, je déconne, Superdome de la Nouvelle-Orléans. Superdome, non, mais ça, c'est une petite blague par rapport à tout à l'heure. On va passer d'abord au pré-show. Le pré-show qui durait dans 2 heures sur le WWE Network, qui diffusait donc pour la première fois un grand pay-per-view de la WWE, avec un Fatal 4-Way, élimination de team match pour les titres par équipe, avec les Uso, Jimmy et Jay, qui ont battu les Real Americans, Cesaro et Jack Swagger à la fin, qui ont éliminé Ryback et Curtis Axel, qui ont éliminé Los Matadores, Diego et Fernando, le tout en 16 minutes 02. Ben, qu'avez-vous pensé du pré-show et de ce match, alors? Franchement, c'était 2 heures, enfin 1h30 de promo. Enfin bon, bref, Si, j'ai dit 1h30 de promo où on s'est fait chier pendant 1h30, c'est-à-dire de 23h à minuit et demi, on s'est vachement emmerdé. Puis après, il y a eu un match assez correct avec ce qu'on attendait depuis des mois, c'est-à-dire la séparation des Wales Americans. Oui, il y a eu le swing de Cesaro sur Swagger. Sinon le match en lui-même, parce que il a été beaucoup mieux une fois que Ryback et puis Los Matadores sont sortis du match. Parce que franchement, juste pour en parler rapidement, c'est vrai que ces deux équipes, franchement, on ne pensait pas qu'elles y seraient. Enfin, on en avait déjà parlé dans Pre-WrestleMania, Cody Rhodes, Goldust s'imposaient, et il y avait une autre équipe que j'ai plus sous le nez, mais voilà, qui aurait pu avoir sa place, dû avoir sa place aussi, donc. Quelle autre? Il n'y a pas d'autre équipe à la WWE. Non, c'est même pas eux que je pensais, c'était à d'autres, mais je les ai pas sur là. Kevin et moi, on a eu la même idée. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que la première heure et demie, c'est de la promo, c'est le panel classique avec un peu tout le monde qui vient pour dire que c'est WrestleMania, c'est génial, tout ça. On voit les gens entrer, un peu s'échauffer leur voix. Bref, pendant ce temps-là, tu fais un peu ton 4 heures, tu bouffes, tu prépares pour WrestleMania, enfin voilà, quoi, tu t'es pas trop attentif au show. Donc voilà, c'était 1h30, ça a occupé. Après, c'est sûr que, déjà 1 heure de pré-show, c'est un peu dur, alors 2 heures, merci, quoi, c'est pas ce qui attire le plus, quoi. Mais bon, le match en lui-même, sinon, était sympa. Et puis, ben, le turn final de Cesaro sur Jack Swagger, qui était tant attendu, ben, il a fait plaisir. Au début, je me suis demandé pourquoi il était en pré-show. Et puis, bon, après, quand tu vas à WrestleMania, ben, tu comprends un peu mieux. Et Kevin, t'as vu le pré-show, toi qui es amateur de... Ah, bon, d'accord. On en reparlera tout à l'heure. J'ai essayé de le capter sur le net, mais impossible. Donc, je me suis contenté du grand spectacle en lui-même. Ah, bon, on en reparlera. Sur le net, il faut dire que les États-Unis ont bloqué la vidéo. Sur YouTube. Ils ont bloqué parce qu'il n'y avait que la première heure qui était sur YouTube. La vidéo a été bloquée partout dans le monde, en fait, sauf aux États-Unis. Bref. Parce que de toute façon, bah, le WWE Network n'est qu'aux États-Unis. Donc ceux qui auraient pu acheter le pay-per-view à la dernière minute, bah, ils sont qu'aux États-Unis. Donc au fond, on s'en fout un petit peu du reste. Hein. Bref. Ouais, ouais. Enfin bon, ils auraient pu débloquer le Mexique parce qu'il y avait les commentateurs mexicains. Ils auraient pu débloquer les Français parce qu'il y avait les commentateurs français. Bon, enfin, Sébastien, un petit mot éventuellement sur le match. Les Usos qui ont pris leur revanche, ils avaient été battus l'année dernière. Ils avaient été dans un match aussi à plusieurs en pré-show par équipe. Ouais, c'est vrai, c'est les spécialistes du pré-show de WrestleMania. C'est dommage pour eux, on les voit jamais sur la carte. Mais bon, c'est vrai qu'en général, en pré-show, c'est presque l'équipe parfaite, j'ai envie de dire, parce qu'ils proposent en général un spectacle de qualité, et ça s'est encore prouvé ce soir-là avec un match assez dynamique. Si. Je disais non pour autre chose. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que l'année dernière, ils n'étaient pas en pré-show parce que c'était Barrett Miz. Alors, il y a deux ans, hein, là, c'était. Ouais, c'était il y a deux ans, en 28, oui. Sinon, je reviens sur l'absence de Cody Rhodes et Goldust. Ouais, j'ai une grosse déception pour moi parce qu'ils méritaient peut-être un peu plus de lumière, puis vu qu'ils ont redynamisé la division par équipe à une époque où elle était morte. Et je me suis dit peut-être que le fait qu'ils soient dans la bataille royale, ça aurait une application, peut-être une interaction entre les deux qui m'ont conduit à la fin de leur équipe, mais en fait, il n'en a rien été. Donc, La division par équipe, désolé, mais c'est, tous les 6 mois, on dit qu'elle est morte et redynamisée. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Quoi. Ils l'ont redynamisé 2 jours quand ils ont pris les titres. Non mais après, c'est après voilà quoi. Non, la division par équipe, elle va beaucoup mieux qu'il y a 3-4 ans quand même. Hein. Depuis Bryan et Kane, ça va beaucoup mieux. Ça c'est sûr. Enfin voilà quoi. Maintenant, t'as plus la sensation que ce sont de vraies équipes. Enfin pas juste des associations, mais plutôt des vraies équipes qui arrivent au fur et à mesure, quoi. C'est un peu plus logique qu'avant, parce que avant c'était vraiment juste des associations de noms, genre Chris Jericho, Big Show, ou des trucs comme ça, quoi. Là, ça va un peu mieux à ce niveau-là depuis 2-3 ans. Depuis 2 ans, plutôt. On commence là par le pay-per-view en lui-même, WrestleMania 30, donc. Ben, avec un lancement, avec 3 légendes qui se sont succédées, tu parlais de 2 ans, mais celui qui a fait le main event sur les 2 dernières années, c'était The Rock, lui est apparu en 3e, il y avait Hulk Hogan, bien sûr, qui a ouvert au début, et puis après les arrivées de Steve Austin, donc, et The Rock, qui étaient, plutôt inattendus, même si Steve Austin était annoncé quand même comme présent au moment dans le show, mais on se demandait quand, ben, on a trouvé, pour aller sortir la bière à la fin, et The Rock, donc, ça, pour moi, c'était la surprise. Kevin Fages, je vais paraphraser, qui dit 3 légendes du catch dans le même ring à WrestleMania, c'était génial. Donc ouais, ça lance la foule. Greg Gourdeau qui a dit que Stone Cold est toujours aussi bon au micro. Moi j'ai aussi noté The Rock toujours aussi percutant, et puis ils ont fait leur alignement de catchphrase à la fin. Le Silverdome. Oui. Et le spécialiste vintage, Renaud, t'as pensé quoi alors? Bah moi aussi, ça m'a fait grandement plaisir de voir Hogan dans le même ring que... Oui. Ça t'a fait bander, non? Bah, carrément, oui, on peut le dire. Ça m'a fait clairement bander de voir Hogan, Austin et Le Rock dans le même ring à WrestleMania 30. Ah, c'est des choses que... On dit des fois des dream matchs pour des matchs, mais là, c'est le dream segment, tu vois ce que je veux dire. Non, c'était vraiment très bon, surtout qu'Hogan et Austin n'ont jamais bossé en 1-1 ensemble dans un ring. Bon, techniquement, ça aurait pas été un bon match, mais c'est une affiche que tout le monde voulait voir un jour. Là, de les avoir dans le même ring face à face, c'est très sympa. Même si j'ai un peu répertorié vite fait dans ma DVD Tech et que je me suis rappelé que Austin et Hogan ont travaillé dans un 3-2 où la NWO avait affronté Le Rock et Austin en 2002 dans un Raw. Donc, ils s'étaient très vite croisés dans ce match-là, mais sinon pas plus. Bon, le Rock et Hogan, ils sont croisés déjà deux fois en pay-per-view, c'était à WrestleMania 18 et puis à No Way Up 2003. Mais bon, ça fait plaisir de voir ces trois gars-là, trois mecs qui ont écrit l'histoire, surtout Hogan et Austin en plus, parce que Hogan a représenté la Golden Era et Austin l'Attitude Era. D'avoir les deux mecs comme ça. D'ailleurs, le Rock leur dit à un moment donné, il dit, ah, j'ai face à moi deux légendes, deux mecs qui ont marqué l'histoire. Même si le Rock en est une aussi, bien sûr, mais il a toujours été un poil en dessous d'Austin dans l'Attitude Era. Le Rock, c'était plus vers 2000-2002, voilà. Voilà, il est arrivé après, quand même. Voilà, c'est un peu ça. Le Rock, c'est plus la période Ruthless Aggression, comme on dit. Donc, non, mais c'était magique. Franchement, Bruce Lee, de voir ça en début de show, ah, c'était génial. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de faire une remarque. Oui. Juste dit justement, on a les trois décennies dans le ring. C'est un petit peu une erreur parce que ouais, bon, c'est Chéro, c'est Chéro. C'est Chéro qui dit ouais, ça. C'est Chéro. Autant pour moi. Mais c'est vrai qu'Hogan c'est la première. Et après The Rock et Stone Cold, c'est un petit peu la deuxième décennie, même s'il y a les 2-3 ans d'écart entre ouais, les deux. Non, mais t'as raison. Rien, c'est ouais, même. Si Cena avait été dans le ring, effectivement, on aurait pu dire voilà. Les 3 décennies qui sont là. Voilà, ouais, mais il aurait plombé le segment. Cena, il aurait plombé le segment. Bah oui, c'est clair. Un peu à cause des réactions qu'il a que le public a envers lui. En Edge, par exemple, ça aurait été bon, là, de le voir remarquer. Edge, ça aurait été bon, mais c'est pas au même niveau que Cena, je suis désolé. Oui, bon, malheureusement, oui, je sais, mais voilà, c'est pour parler d'une légende marquante. Par contre, je sais pas si ça vous a fait la même impression, mais encore une fois, a posteriori, quand vous regardez ce segment par rapport au reste du show, il est vachement annonciateur parce qu'ils disent, ils arrêtent pas de rappeler en disant que la génération actuelle de superstars allait faire l'histoire ce soir, etc. Et c'est en fait un petit peu ce qui s'est passé parce que quand on regarde les résultats, bah c'est vraiment la génération actuelle quoi. C'est on a brisé un petit peu les anciens avec ce show quoi. Donc c'est un peu la génération actuelle qui prend le pouvoir quoi. Moi je ah si franchement enfin on va y revenir si. Mais ah c'est non la... oui, quand tu vois la gueule du main event où t'as Batista et Orton, c'est pas oui, la même génération. Tu vois la gueule du résultat aussi. Oui bon la gueule du résultat, le résultat d'ailleurs le résultat. Attends Brian, ça fait 3 ans, il y a 3 ans était déjà champion Brian. On va ce sujet justement on en fera carrément tout un podcast. Voilà, c'est la petite surprise, ce sera dans 2 semaines, tout un podcast sur la nouvelle génération justement. Ah, c'est cool, je vais être là en plus. Donc là il y aura vraiment de quoi ouais. Et on vous en reparlera à la fin. Je voulais pas manger la feuille, mais comme là le débat commençait déjà, c'est pour ça. Je vais manger Gus. Et sinon, un petit mot éventuellement de Seb là sur ce début. Moi, ça m'a bien plu, tout d'abord parce que je ne savais même pas que le Rock et Steve Austin allaient être présents sur ce show-là. Moi, je n'ai pas lu des news, donc une très très surprise de les voir arriver. Et c'est vrai que ça fait ça lance très bien la soirée. Ça fait le premier WrestleMania moment et donc voilà, ça commence parfaitement. Et bah là on passe aussi dans la foulée à quelque chose de très percutant quand même, c'est le fil rouge de la soirée avec d'entrée de jeu le Daniel Bryan contre Triple H, ce fameux match pour intégrer le Triple Threat match pour le titre de WWE World Heavyweight tout à la fin dans le main event. Et au bout de 25 minutes 26, Daniel Bryan est sorti vainqueur, donc a battu donc Triple H qui mettra pas fin au Yes Movement. Et bah je vais passer d'abord la parole à Kevin là qui adore le spectacle et puis l'entrée de Triple H est quand même assez énorme je crois sur ce sujet arrivé sur un trône. Ouais, et d'ailleurs si t'avais posé la question sur le site sur les pronos de savoir quel match allait ouvrir le show, c'était forcément celui-là. Mmh. Puisque par rapport à la récupération des deux bonhommes, on pouvait pas faire comme certains avaient imaginé ce match-là et le main event juste après. Mais c'est vrai que dès le début du show, ça a bien envoyé du paquet. C'est d'ailleurs assez bizarre parce que d'habitude, ça a tendance à plutôt monter en degré. Et là, on a directement démarré avec le meilleur match de la soirée, le plus long match d'ailleurs, je crois, de la soirée, non, il me semble. C'est le plus long. Oui, et c'est plus long, ouais. D'une ouais, seconde. C'est plus long, d'une seconde. Ouais. Ouh là là. C'est plus long quand même, hein, au final. Et c'est rare. C'est très rare d'avoir le main event qui soit le plus long match de la soirée, qui ouvre un peu le main event. Oui, ça ressemble à une lapsus. Lapsus révélateur. Révélateur, effectivement. Et du coup, ah non. Après, le match en lui-même, il est génial, quoi. C'est une véritable bombe visuelle. Il n'y a pas eu besoin d'avoir d'agissement extérieur au niveau des tables ou quoi pour offrir une belle prestation. C'était vraiment un match à revoir avec grand plaisir. Et effectivement, c'est un match qui avait sa place en main event. Mais bon, après, voilà, pour plusieurs raisons, il fallait le mettre au début. Et sinon, c'est vrai que l'entrée de Brian a été très sympa parce qu'on entend les yes dans tout le stade. Alors en plus, le fait que Shiro et Ajus étaient dans le stade, on pouvait vraiment entendre l'ambiance comme elle était. Donc là, il y avait de quoi marquer à mort, quoi, pour le coup. C'était juste génial. Là où le stade fermé, donc en plus, ça forcément, ça. Ouais, et puis habituellement, dans les pay-per-view de AB1, le son est baissé par rapport aux commentateurs, vu qu'ils sont pas sur le lieu, alors que là, on avait justement les micros qui captaient le son du stade en plus du son habituellement, donc c'était vraiment parfait pour vivre la soirée à fond. Il y avait quand même une petite différence. Hein. J'ai regardé un peu les deux versions, et il y a une petite différence entre les deux. Ah ouais? Ouais. Déjà que l'ambiance, par moment, je l'ai trouvé un peu terne, même si elle était cool, hein, franchement, c'était une bonne ambiance de WrestleMania. Mais sinon, voilà, ouais, un peu en dessous sur AB1, mais sinon, ouais. C'est vrai que l'ambiance au moment de l'entrée de Brian, elle est vraiment électrique. Mmh. Et bon, bah l'entrée de Triple H, c'est toujours c'est Triple H, quoi. C'est voilà, hein, Motorhead, tout ça. Moi, je suis un marque de Triple H, donc forcément le voir entrer et puis en bonne forme en plus. Hein, franchement, vachement plus en forme pour combattre contre Brian que lors des précédentes années où je le trouvais un petit peu moins affûté, on va dire. Ouais, il a beaucoup plus travaillé pour ce match contre Brian que pour Lesnar ou pour l'Undertaker. Hein. Franchement, on voit que là, il avait vraiment besoin d'être en forme physique pour faire un bon match face à Brian. Et d'ailleurs, ça a été très bon. Parce que ben, le match est technique. Triple H, il rend un petit peu des hommages par-ci par-là. Et puis, le petit crossface, il fait plaisir en soumission. On voit qu'il veut travailler Brian. Il y a une bonne psychologie avec, au début, la poignée de main refusée. Enfin, voilà. Et Brian, après, qui se fout un peu de sa gueule. Bon. Et puis, bon, bah, le match monte crescendo jusqu'au final. Et bon, Stéphanie aussi en rôle important. C'était vraiment, vraiment très, très bien organisé avec la domination de Triple H. Brian qui survit, on ne sait pas trop comment, et enfin voilà, c'est vraiment bien amené, et la victoire de Brian forcément qui fait exploser le stade, quoi. Donc bon, c'était vraiment un très bon match. Les impressions auditeurs avec Kevin Fages qui a dit bon match avec beaucoup de temps et des moves assez cool avec Brian en feu comme d'habitude. Résultat prévisible, mais match très très bon, et Greg Gourdou qui a trouvé cet opener assez bon, et de lutteur très bon, et puis bah, comme vous avez dit, Stéphanie lui a fait très bonne impression. Donc Renaud, je crois, qu'as-tu pensé de ce match donc? Bah, je rejoins complètement les collègues, c'est un très bon match, hyper bien construit, avec un gros travail de Triple H, ça m'a fait plaisir, une foule dedans, et puis Daniel Bryan en underdog suprême. Les deux lutteurs, ils ont livré la marchandise, gros match. Sinon, pour l'entrée de Triple H, moi, ça m'a fait penser à deux anciens WrestleMania, où j'ai l'impression qu'il a mélangé un peu. C'est l'entrée de WrestleMania 22, où il était sur son trône, et l'entrée de WrestleMania 27, où il avait déjà ce genre de masque de squelette sur la tête. Là, il a mélangé un peu les deux. C'était un peu un clin d'œil. Oui. Il y a les trois blondes avec qui il était, c'était de NXT, avec Charlotte, la fille de Ric Flair, Sasha Banks. Et la dernière qui a toujours pas catché au final à NXT, il y a Alexa Bliss, voilà. Mais pour revenir sur l'entrée, son masque me fait beaucoup penser à Shao Kahn dans Mortal Kombat. Je sais pas, bon, s'il y a des connaisseurs, non. Ah, moi c'est Street Fighter. Ouais, voilà. Street Fighter. Ouais, ah là là. Ah là, moi aussi, c'est la même génération que Renaud. Ah là là, Mortal Kombat les mecs. Non, Street Fighter. Aïe, aïe. Ah, bon, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un mix un peu des deux, sauf que ben sur le 22, je pense qu'il rentre. Il y a d'abord King of Kings puis The Game, mais oui. Là, ouais, c'est un peu. Je sais pas quelle musique c'est exactement, mais c'est un truc classique, quoi. C'est le truc classique des entrées un peu spectaculaires. C'est un peu kitsch, tu vois. C'était un peu kitsch et ça va très bien au personnage, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que ça passe bien malgré que ce soit un peu kitsch. Je trouve que ça le fait bien. Non, c'était très bon et puis. Bon, on est pratiquement sûr du résultat, c'est sûr, hein, tout le monde attendait ce résultat-là, donc c'est très bien. Moi, ça m'a pas enlevé l'intérêt au match. Hein. Et puis, c'était le premier Triple H de Daniel Bryan, donc c'était inédit. Et ça a été très bon. Donc déjà, ça commence bien. On a beaucoup parlé de l'entrée, et moi j'ai noté aussi le contraste absolument fabuleux entre l'entrée de Triple H qui rentre en roi des rois et Bryan qui fait une entrée totalement basique. Enfin, ça montre vraiment le contraste entre les deux, et ça m'a bien plu. Après le match, moi je lui décerne la palme du match de la soirée, hein, du côté psychologique et de l'action, c'est parfaitement réussi. Et j'ai aussi noté et qu'on a parlé encore, c'est la fin de match qui renforce encore plus le côté underdog de Brian avec l'attaque de Triple H avec son fameux coup de chaise là sur le bras de Brian attaché au poteau. C'est vrai que ça renforce encore ce côté là. Brian ne va pas pouvoir être champion à la fin de la soirée et finalement il défie tous les pronostics et il va le faire plus tard. Chute. Voilà. Non, mais ce match ne devait pas trop en révéler non plus pour la suite, donc c'était bien fait. Ouais. Oui. Juste, t'as pensé quoi alors? Moi, tout simplement, c'est pour moi un match 5 étoiles parce que il y a eu tout dans ce match, quoi. Il y a vraiment eu tout. C'était excellent. Après, les autres ont tout dit, quoi. Donc, j'ai rien à dire. C'est dur de passer derrière les grands matchs. Ah ouais. Ben, on va passer à un match, je pense qu'il va pas avoir énormément de commentaires, qui a été assez rapide et expéditif. The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, qui ont battu Kane et New Age Outlaws, Road Dogg et Billy Gunn. Ah ben voilà, c'est à eux que je pensais en fait, parce que vu qu'ils ont un title shot, je pensais qu'ils seraient dans le pré-show en fait. Mais non. Donc ils l'auront pour plus tard, ben du coup ils ont été battus après 2 minutes 57, ultra rapide. Et puis voilà. Donc qui se sent de faire un ressenti relativement rapide quand même, parce que ce match avait un intérêt relatif. C'était de la bombe. C'était de la bombe. La triple même. Pour le temps que ça a duré, ouais, c'était franchement bien. Et on disait tous sur Twitter que le match qui arriverait après Triple H Bryan, il faudrait sacrément, enfin, qu'il s'accroche vraiment. Et en fait, ça a offert une belle transition entre ben, le match Triple H Bryan et la bataille royale juste derrière, en fait. Et ça a permis justement de pas souffler, de pas avoir un espèce de retombée. Et au contraire, ça a été 3-4 spots d'affilée et c'était très bien. Par contre, on l'a senti qu'ils étaient en retard, en fait, sur ce coup-là, parce que t'as les entrées qui se sont enchaînées, mais vitesse grand V, le match a enchaîné, enfin bref, à mon avis, en coulisses, on leur a dit, vous faites ça vite fait, quoi. Ouais, je voulais juste dire, Brusty, très vite, que ils ont un peu pris peur en coulisses, parce que Billy Gunn est revenu en crachant du sang, et que finalement, ils ont pas cessé ses poumons au rayon X, parce qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être une perforation du poumon. Finalement, c'était une petite veine qui a pété sur le triple powerbomb. Donc, ça prouve aussi les impacts des coups. C'est vrai que le shield a déroulé. C'était une vraie punition pour Kane et les New Age. Mais tout va bien pour Billy Gunn. Oh, c'est un des squash les plus divertissants que j'ai vu. En tout cas, je peux pas dire le contraire. Hein. Ça dure 3 minutes, mais on a vu l'intégralité de la palette technique du shield sur ce match-là. Et c'est logique ce qu'il fallait, hein, du pouvoir de Shield, on ne pouvait pas imaginer autre chose sur ce match-là. Et les amis auditeurs, il y a une Fagesse, celui qui a dit bon, non. Oui, match trop court, mais The Shield qui enchaîne, bref, 3 minutes plutôt cool et rapide, mais avoir une fois sans plus. Et Greg Gourdou, match trop rapide, boulot rapide et rien de plus, voilà. On peut noter que le Shield est un vaincu à WrestleMania sur 2 WrestleMania, pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors qu'ils ont connu quand même un début d'année assez pénible hein, en pay-per-view. Hein. Ils ont pas, voilà. Donc ça repart, on verra Raw pour la suite. j'allais commenter quelque chose, mais on verra Raw. Ben on va passer à Battle Royale, la André the Giant Memory Trophy Battle Royale de 30 hommes qui était en fait 31. C'est très logique. Et malheureusement, Christian n'était pas là, commotion. Et puis des noms hyper marquants pour compléter, parce qu'on avait que ils étaient 27 sur la ligne de départ. Il y en avait encore 3 noms. On avait quelques légendes qui pouvaient être alignées, et finalement, les légendes alignées étaient Yoshitatsu, oui. David Otunga, je sais plus qui, Brad Maddox. Tyson Kidd. Tyson Kidd, oui. Et Antonio Cesaro. Brad Maddox. Et oui, la joue, c'est Cesaro, effectivement. Ouais, le gars du pré-show, donc voilà. Et ben, dernier arrivé, entre guillemets, premier servi, parce que c'est lui qui a gagné. Après, ben, c'est le premier détenteur du fameux trophée à la gloire. Je pense que ça sera le seul. Hein. On n'aura pas non. Chaque année. Hein. Ben, 12 minutes 47, en tout cas. Je pense pas que ça va devenir une tradition. Parce ah, si, Hogan l'a annoncé. Hogan l'a annoncé, ça sera là chaque année. Bon, maintenant, les gars, dans le cadre, vous savez que les choses peuvent être dites, puis finalement pas se faire. Bon, maintenant, le Money in the Bank, on l'a vu quelques temps, finalement, on l'a plus. Ça en a été un pay-per-view. On verra bien, mais c'est vrai qu'Hogan l'a annoncé comme ça. Hein. Ça c'était la première. Un pay-per-view Battle Royale. Kevin, alors, t'as pensé... Non, sur la Battle Royale, que dire? J'ai cru à un instant que Evan Bourne était revenu, en fait c'était Tyson Kidd. Oui, il avait changé, oui, effectivement. Ah ouais. Et non, après la Battle Royale est sympa, bah, il reste les têtes d'affiche dans le final, et puis le Body Slam sur le Big Show est un énorme clin d'œil à WrestleMania 3. Et oui, donc, Hogan sur André, ouais. Ah ouais, c'était à un moment, je crois qu'il allait le faire dans le ring comme à la vieille époque, et puis non, en fait ça a servi à le faire sortir, ce qui était tout à fait normal. Et sinon, non, la victoire de Cesaro, très heureux, très content, et. Ça a annoncé effectivement la suite du discours tenu au tout début, qui est la nouvelle génération, c'est pour ce soir. Bah allons-y, Gus, du coup, parce que bah, à peu près tout le monde est satisfait finalement de la victoire de Cesaro. Big Show était trop favori pour gagner à mon goût. Ah oui, c'est ce que j'ai. Moi je voyais plus une victoire de Sheamus, parce que je m'étais dit pourquoi pas Sheamus, et puis bon, au final, quand on voit Cesaro débarquer, on se dit que ça peut être que Cesaro. Ou Cesaro, c'était clair et net, quoi. Donc, y a tellement pas photo, tellement le mec est over en ce moment. C'est juste impressionnant, quoi, ce qu'il a montré depuis ses débuts, quoi. Parce que je trouve, encore depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'il a encore progressé, ce gars, alors qu'il était déjà très très bon. Oui, quand même. Et c'est ça qui est énorme. C'est que le type était déjà un monstre. Il a encore progressé. Et je ne sais même pas s'il est encore au maximum de son potentiel. Donc ça va être un lutteur à surveiller, un futur champion du monde, sans contestation, ça c'est clair. Et à noter quand même, on a vu, juste après ce combat-là, a vu Cesaro à la table des commentateurs, présenté par Michael Cole. La classe. Seb, t'aimes bien Cesaro, donc assez satisfait de sa victoire. Ah oui, très très satisfait, d'autant plus que je m'y attendais absolument pas. Hein. Jusqu'à qu'il reste 3 ou 4 lutteurs, je pensais toujours pas que Cesaro allait remporter ce match. Il était pas annoncé. Et après, il y avait encore des noms comme l'ultra favori Big Show ou encore Sheamus. Donc ça aurait été logique de donner la victoire à un Cigala, mais vraiment Cesaro, donc ça laisse présager un push assez important pour Cesaro. Un push. Eh oui, un push. En Alsace, c'est un flamme-cuche. Alors, un push. La France, voilà. Monsieur, la France. Je salue tous mes compatriotes alsaciens d'ailleurs qui nous écoutent. Hein. Et donc, peut-être Christophe Agis, c'est le représentant le plus fameux. Donc, voilà. Eh oui. C'est ça. C'est pas Sébastien Loeb. Je crois que c'était Marc Keller. C'est vrai, oui. Le match en lui-même, il est pas forcément excellent, je trouve, mis à part quelques spots. Kofi, encore une fois, qui fait un spot un peu... ben voilà, quoi, c'est spectaculaire. On se demande où est-ce qu'il va en trouver un autre pour le prochain Rumble. Enfin bref. Bah, il regarde le film de Spider-Man, à mon avis. À mon avis, ouais, la prochaine fois, il sort la toile et puis il revient sur le ring en se balançant. Hein. Enfin bref, sinon, voilà, c'est du bon. C'est une bonne bataille royale qui, bon, plutôt dans la deuxième moitié, mais puis la victoire de Cesaro est super satisfaisante et va lui offrir un push, à mon avis, assez conséquent. Donc, c'est cool. Réaction auditeur avec Kane Fages bah, qui n'attendait rien de ce match, mais il y a eu quelques bons trucs. Il a parlé bien sûr de Kofi et Cesaro qui est surpuissant, un bon match sans plus. Et Greg Gourdou qui a dit la même chose, sinon que c'est Cesaro, bonne surprise et c'est tant mieux. Donc on va passer au match suivant. Donc je me rappelle que dans le pré-WrestleMania, on attendait des choses assez intéressantes entre John Cena et Bray Wyatt. Match remporté par John Cena après 23 minutes. Hein. C'était quand même assez homogène, assez long aussi. Mais qu'en penses-tu, Orbaz, le maître du monologue? Ah, merci. Enfin, pas trop, parce que sinon... Non, mais je voulais vraiment commencer sur ce match parce qu'il est très, très, très intéressant. Et... Je trouve que c'est pas loin d'être le meilleur match de la soirée. Il aurait été le meilleur match de la soirée si Bray Wyatt avait gagné parce que c'était mon petit favori. Mais bon, mais la victoire de Cena, elle est pas aberrante non plus. Franchement, elle est presque logique. J'ai beaucoup aimé le travail sur la psychologie, le fait que le personnage de Bray Wyatt est vraiment le personnage majeur de la WWE en ce moment. Enfin, c'est le personnage le plus intéressant, pardon, pas le personnage majeur. Et ben le fait que ben sur le ring il y a vraiment une psychologie qui se met en place, le fait que Cena est au bord de craquer, mais vraiment au bord, et finalement réussit à surmonter comme d'habitude, comme il le fait tout le temps en personnage un peu de super Cena pour gagner. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Bray Wyatt a réussi à emmener une partie de la foule avec lui, avec l'espèce de vagues que le public faisait là, c'est assez nouveau, c'était rigolo. Et puis ben au moment aussi Five Knuckle Shuffle, je crois, quand il se prend appui sur les cordes et que tu vois Bray Wyatt qui fait l'espèce de cochon pendu comme ça, un peu bizarre, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, c'était cool. Exorcisme. Bref, ouais, voilà. Bref, moi j'adore Bray Wyatt et je trouve qu'il a fait encore une fois un très bon match face à un adversaire qui n'était pas de la même stature que Daniel Bryan, par exemple. Voilà, Cena, c'est un peu plus classique, mais pour autant, le match était très bon, hein, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis Cena qui arrive toujours à se dépasser, à faire des moves un peu plus originaux que d'habitude. Donc moi franchement, j'ai bien aimé ce match. J'ai rien à lui reprocher. Ah oui, bien emballé, ouais. Et Kevin, justement, notre célèbre critique musicale, là. Oui, oui, oui, en effet. Qu'as-tu pensé de l'interprétation du theme song de Wyatt? Ouais, il était juste génial, hein. L'ambiance y était, le live était génial, ça a bien mis dans l'ambiance. Je pensais que Cena rentrerait avant, parce que habituellement, Wyatt regarde sur sa chaise l'adversaire qu'il va avoir, donc là, ça faisait un petit peu bizarre. Non, mais du coup, l'entrée, elle est géniale. À noter que pour la troisième année consécutive, John Cena rentre sur une entrée classique. Ce qui est peut-être signe d'un déclin, je sais pas. Mais habituellement, il y avait toujours ces petits trucs un petit peu spéciaux qui faisaient qu'il était là. Et là, ça fait depuis la semaine 28 qu'il rentre, on va dire, de façon classique. Ils n'ont plus rien pour lui à croire. Hein. Ouais, enfin, ouais, Kevin, tu t'en souviens quand même. Tu t'en souviens, Kevin, quand même, qu'à WrestleMania 28, chaque catcheur avait son propre groupe qui était venu chanter une chanson. Après, Cena était rentré par contre sur son thème classique. Hein. Voilà, c'était pas un play extraordinaire. Alors que si on monte au 25e anniversaire avec tous les Cena qui débarquent, ou au 24e, où il se fait son thème song par la fanfare du coin, là c'était un petit peu plus classique, donc c'était un petit signe. Après, pour venir au niveau du match, c'était pas de grande qualité, mais c'était surtout sur la psychologie que ça y allait. Et à ce niveau-là, c'était parfait, quoi. C'était du top 10. À noter le saut de la troisième corde vers l'extérieur du ring de la partie Cena, inattendu et très joli. Et puis, 7e move ou 8e? Parce que lui s'amuse à faire des signes tout le temps quand il a rajouté un à sa palette, alors. Je sais pas du tout, Bédo. Non, mais après, les passages avec l'escalier ou la chaise, on y a cru, on s'est dit, ça y est, il va frapper Cena. Et puis, non, malheureusement, c'était pas fait. Il a souri et il s'est remis à faire son monsieur habituel. Donc c'était une petite déception. Je m'attendais à ce qu'il y ait un changement du personnage un petit peu. Et, mais ça va arriver. J'espère, c'est très bien. Parce que il faut quand même qu'il reste dans le coup. Il est pas si vieux que ça, donc il faut qu'il reste dans le coup. Et il faut un petit peu changer, s'adapter à la nouvelle génération. Donc voilà, après au niveau de Bray Wyatt, rien à dire. Hein, c'était parfait, même les deux compères hors du ring font le boulot. Donc il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. Les avis auditeurs, on passait à Renault, avec Kevin Fages qui a dit bon match, mais il s'attendait à mieux, la victoire de Cena n'était pas nécessaire pour lui, mais Super Cena oblige, et Wyatt énorme comme son habitude, un bon moment, et un Wyatt qui n'a pas démérité pendant le match, moi je rajoute d'ailleurs Wyatt première défaite, un peu perdu, un match simple en tout cas. S'il avait battu Kane, Kofi et Brian. Ouais. Et Greg Gourdou qui a dit bon match, il retient surtout la montée en puissance de Wyatt malgré la défaite. Pour son premier WrestleMania, ça fait plutôt bien. C'est vrai qu'il a débuté au lendemain de WrestleMania l'année dernière. Pas sûr que Cena avait besoin de sa victoire, mais bon, bravo à la WWE d'avoir créé ce clan Wyatt Family. Oui, je vais rejoindre. T'en attendais assez, je crois, aussi de ce match. Ouais, j'en attendais assez. J'étais à fond derrière Bray Wyatt, que je trouve juste hallucinant hein, dans son rôle. Il est juste parfait. Donc, je vais rejoindre hors base. Donc, je vais faire ça très vite. La construction du combat, elle est hyper intéressante. Avec ce John Cena qui change par moment d'attitude et qui devient limite heel pour le plus grand plaisir de Bray Wyatt. Parce que c'est ce que Bray Wyatt cherche, en fait, dans ce match-là. C'est ce qu'il veut. Et ça a été très bien fait. Bon, je trouve quand même le combat en dessous du chef-d'œuvre qu'on a eu entre Bray Wyatt et Daniel Bryan au Royal Rumble, mais ça, il fallait s'y attendre, hein. John Cena n'est pas non plus Daniel Bryan à ce niveau-là. Même si le match reste très bon, attention. Ce qui me gêne un peu, c'est la victoire de John Cena. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pourquoi il donne la victoire à John Cena, déjà parce que c'est WrestleMania 30, donc on fait pas perdre John Cena à WrestleMania 30. Voilà. Et mais puis la deuxième. Attends, il est resté sur 3 défaites, il me semble. Non, il avait gagné l'année dernière. C'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il a perdu l'année dernière, mais c'est vrai, autant pour moi. Ah ouais, il a gagné l'année dernière le Rock à WrestleMania 29, non, avec le titre de champion du monde en plus. Donc c'est pour ça, la victoire à Bray Wyatt lui aurait fait tellement du bien. Ça va pas le descendre, hein, parce que perdre contre Cena, c'est pas la honte, hein, à WrestleMania en plus. Mais ça lui aurait fait tellement du bien de gagner contre John Cena. Et la deuxième chose que je voulais dire, John Cena, il gagne aussi parce qu'il y a une morale à cette histoire, en fait. Elle est pas finie, mais ce soir-là, la morale de l'histoire, c'est que le bien l'emporte sur le mal. C'est que finalement, John Cena va rester lui-même. Il ne va pas se transformer en John Cena psychopathe. Et il finit même par embrasser un gamin dans la foule de la C-Nation à la fin. Donc, bon, c'est un peu ça le truc. Mais le match reste très bon. C'est un très bon match. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. C'est ce que j'ai dit sur ce soir-là. Ouais. Gus. Comment il s'appelle le groupe qui chante la musique de Wyatt? Ah. Mark Resource and the Reels. Mark Quasar and the Reels. Attends, je te retrouve ça deux petites secondes. Je vais te dire rapidement ce que j'ai dans la bibliothèque. Ah, mais il est bon, hein, le chef est de révolte. Mark Quasar and the Reels. Ouais, voilà, bon, avec le titre Broken Out in Love, que l'on ne trouve pas malheureusement sur Amazon. Je tiens à préciser. Le groupe y est, mais pas le titre. Alors non, moi je voulais parler vite fait un petit peu du groupe, pour revenir un petit peu sur ce que disait Kevin. J'ai trouvé leur prestation excellente, peut-être même la meilleure prestation live de l'histoire de WrestleMania, je sais pas si vous êtes d'accord. Ça se discute, tu vas quand même chercher loin, est-ce que tu les as toutes vues? Je pense pas. Parce que franchement, celle de Triple H à WrestleMania 21 notamment. Si, j'ai vu celle-là, et j'ai vu celle de Motorhead, et franchement... J'ai 17 aussi. Mais c'est du live, c'est pas mal. Voilà, là, c'est du live, c'est excellent, quoi. Motorhead, ça. Non, mais là, justement, on n'aurait pas dit que c'était du live. C'est ça qui était impressionnant avec. Ah, moi, j'ai adoré. Hein. Ah oui, non, mais pareil, j'ai adoré, j'ai kiffé. Ils ont été excellents. Excellent. Ils étaient bien déguisés aussi, c'était rigolo. Ouais, grave. Tu regrettais l'absence de Kevin Rudolph. Voilà. Ils ont le tout net. Oui, Yes Brosi l'a placé. Voilà. J'ai regretté l'absence de Sin Cara aussi. Non, il était dans la Battle Royale. Il était dans la Battle Royale. Mais c'était plus le Sin Cara qu'on connaît, c'est vrai. Ouais. Voilà, puis, c'est Unico. C'est Unico, c'est tout. Quoi? C'est Unico? Je me casse. Pardon. Non, franchement, sinon, quand on parle, sinon, oui, le match est pas mauvais, il est même plutôt bon. Ouais, voilà, quoi. Sinon, j'ai rien d'autre à dire, vous avez tout dit, donc. C'était cool, quoi. Non, bon, bah alors, Seb. Toi, t'attendais aussi pas mal du match. Est-ce que ça t'a comblé? Oh, j'attendais pas mal du match. En tout cas, c'était le match dans lequel j'étais plus indécis, on va dire. Je pense que ça aurait pu aller des deux côtés. Si Wyatt gagne, c'est une victoire énorme pour lui. Si Cena, bah, c'est juste la norme. Cette Cena ce soir-là, c'était dommage. La WWE aurait pu faire une star sur cette soirée, même si encore une fois il n'y a pas de honte à perdre contre Cena, mais c'est dommage, c'est une occasion manquée, moi je trouve, hein, et je me rappelle encore à une époque quand cette personne-là était Austin Harris, imaginez qu'il fasse un match contre Cena à WrestleMania, c'était juste impensable. C'est là qu'on voit le changement de personnage, ça change tout simplement la personne, quoi. Ah oui, il a pris de l'épaisseur, de l'intensité, même de la qualité in-ring, même s'il n'est pas exceptionnel, il a vraiment tout pris. Ah oui. Ah, il est très bon, hein. S'il a même été recyclé à un moment dans une clinique de hockeyeur masqué, c'est-à-dire le style Vendredi 13, quoi, donc voilà. Ouais. Jason Voorhees. Ouais. Ouais. Mais, c'est clair, quand tu repenses à Oscar Harris, à l'époque, il faisait rire tout le monde. Hein. Maintenant, on le prend au sérieux, et c'est normal. Parce qu'il le mérite. Mmh, lui, pour le coup, lui, vraiment, lui, il partait de rien. Il y a une vraie progression qu'il a remarqué et qu'il a salué. Et oui, et puis qui sait, peut-être bientôt, il peut très bien choper un des titres mineurs, hein, de toute façon. Ouais. Bah, ce serait pas une mauvaise idée. Hein. Bah, oui. Ce serait utile. Bah oui, USA ou l'Intercontinental, un des deux, il peut le faire. Je pense que la WWE voit très loin avec lui. Alors, on est qu'au début, j'aime pas parler du futur. Il a que 24 ou 27 ans, ce qui arrive. Ouais, voilà, en plus. Et je pense vraiment que tu vas voir, son personnage, il va se construire petit à petit. Déjà, il est très bien implanté, là. Mais au niveau des titres, moi, à mon avis, c'est vraiment le genre de gars qui peut toucher le titre suprême. Je parle en avenir à venir. Il peut pas faire autre chose que le main event, vu ce qu'il a, comment il est. Là, on l'a vu, hein. Mis en avant et tout, je le vois pas aller chercher un titre US ou intercontinental. Je suis d'accord. Pour histoire de glorifier son armoire. Je pense qu'il n'est pas obligé de passer par cette case-là non plus. Non, ça va devenir le gars sur qui il va falloir compter dans la nouvelle génération, parce que son personnage est juste excellent. Après, in-ring, c'est pas le meilleur. Mais bon, Brian et Cesaro s'en occupent de ce côté-là, donc non, il est le grand futur personnage à surveiller. Ouais, son personnage, en fait, il ajoute quelque chose au in-ring qui fait qu'il n'a pas besoin d'être un génie technique. Enfin, voilà, c'est... Oui, c'est toute la psychologie qu'il y a dans le ring qui est la plus importante. Il peut faire partie de ces personnages qu'on appelle un petit peu bigger than life. Un peu comme Undertaker ou Kane ou des mecs comme ça, quoi, qui n'ont pas besoin... Bon, c'est des... Undertaker et Kane sont bons in-ring, mais enfin, voilà, quoi. C'est pas c'est un mec qui apporte beaucoup avec son personnage et donc ça suffit, quoi. Et voilà, bah c'est oui, c'est l'avenir, donc là c'est une belle plus-value pour le futur, ouais, en effet. Mais on va parler, je pense très longuement du prochain match, à mon avis, enfin très longuement, peut-être pas tout à fait la même durée que le match en lui-même. Mais non. Et ouais, c'est le choc, l'autre grand choc de la. De l'année, je pense. Ah oui, c'est le plus grand choc. Ouais. De la vie d'un fan de catch. Qui l'aurait cru, mais Brock Lesnar a bien abattu la streak de Undertaker 21-1 après 25 minutes 25. Deuxième match de la soirée pour une seconde. C'était quand même très choquant. Eat, sleep, break the streak. Quand Michael Cole dit la streak, the streak is over, j'avais des frissons, quoi. Mieux encore, c'est JBL qui dit à un moment The Undertaker is mortal. Oui. Je sais pas comme ça. Enfin voilà quoi, ça te balance un truc dans la gueule comme ça. C'est affreux. Les mots qui te balancent comme ça, The streak is over, The Undertaker is mortal, ça te fout, mais dans une situation terrible. Franchement, les deux phrases comme ça, ça m'a foutu par terre direct. Et une réaction de sur AB1 à la fin. Il y a quelque chose qui m'arrive, voilà, c'est Ajus qui pleure, quoi. Ouais. Les larmes de Christophe Ajus, quoi. Et puis, même au moment du décompte, on voit quand même qu'il est surpris, quoi. Je pense pas qu'il savait le résultat. Non, parce qu'il y avait que 4 personnes qui étaient au courant du résultat. Le taker lui-même, évidemment, Vince. Brock Lesnar. Triple H. Vince. Et sûrement t'avais il y avait le chef Booker quand même, voilà. Oui, voilà, et merde. Eman, il est dingue d'ailleurs. L'année dernière, il avait échoué à Punk, mais là cette fois-ci, ouais. Lesnar, c'est la bête noire d'Undertaker. Undertaker n'a jamais gagné Brock Lesnar en pay-per-view. C'est jamais arrivé. Ah ouais. Ah bon. Ouais, quand même. C'est vrai, je me souviens, ouais, en 2002, 2003, ouais. 2002-2003, ouais, il n'a jamais pu le gagner. Ils ont fait un match nul à Unforgiven 2002, où il n'y a pas eu de gagnant en fait, mais sinon il a toujours gagné. Bon, ils ne sont pas rencontrés non plus 10 000 fois, hein, mais il a toujours gagné Taker. Et là encore, il brise la streak, donc on peut dire ça. Dans son CV, il n'a jamais perdu contre Undertaker. Ce qui est le plus affreux, ce que je trouve qui laisse un goût amer, c'est que le match est très mauvais. C'est affreux, c'est une pure daube. C'est une purge, ouais, voilà, c'est Finisher Fest, je colle à F5, je colle à Tombstone, je colle à F5, je fais un Leafsgate, enfin voilà, quoi, c'est bon, faut arrêter, il n'y avait pas un degré de rythme dans ce match, c'était affreux, la manière dont ça a été fait, c'était terrible, et au-delà de seulement le match, il y a aussi la rivalité, qui n'est pas terrible, franchement, on sort ça un peu de n'importe où. Heureusement que Paul Heyman est là pour sauver l'affaire, parce que sinon c'était n'importe quoi. Enfin, c'était, il y avait rien. Sinon, c'était juste, ouais, je viens là, je bats ta streak, c'est tout. Derrière ça, c'était un petit peu, ouais, on colle ça en encas plutôt que le titre de la WWE parce qu'on t'appelle à laisser ta chance. Enfin voilà, quoi. C'est, il y a un goût à sa mère qui sort après le match, quoi, comme ça. Mais bon, après, c'est sûr que c'est un épisode qui restera dans l'histoire. On collera juste le F5 final avec le compte de 3 et c'est bon, quoi. C'est le WrestleMania moment, il est là. On voit toutes les têtes des personnes qui sont mais atterrées par le résultat, qui sont sous le choc. Ils sont pas atterrés, mais ils sont vraiment sur le cul. Ouais, quand on voit la personne, quand on voit l'Afro-Américain qui fait les gros yeux et qui ouvre ses propos. Qui fait le bruitisme dans le WWE. Oui, il a été interviewé, effectivement. Ouais. Et il disait qu'il était derrière, en fait, pour que la streak finisse. Donc, il revenait pas, Mais voilà, c'est comme Ajus disait sur AB1, même ceux qui tenaient les pancartes 21-1 n'y croyaient pas. Mais ça, c'est normal. Et ils ont même pas personne n'y croit une seule seconde. Ils les ont même pas montré en plus les pancartes 21. Ils n'osaient même pas les sortir tellement ils étaient sur le cul. Mais même ceux qui avaient le t-shirt It Sleep Break the Streak, même eux ils y croyaient pas. Enfin bref, personne n'y croyait. Il y en a même qui étaient dégoûtés, qui sont sortis du stade, quoi. Qui sont sortis du stade derrière. Enfin voilà, c'est vraiment le moment choquant de ce WrestleMania et peut-être une manière aussi pour la WWE de tourner la page. Voilà, parce que maintenant qu'on a plus la streak, je pense que l'Undertaker on le verra plus. Pour moi, il s'offrira un dernier match à SummerSlam, mais ce sera contre Sting. J'y crois pas une seule seconde à l'hypothèse de Sting. Sting, je sais pas ce qu'il va faire, mais je crois pas qu'il va faire un match face à l'Undertaker. Pour moi, ce serait le match de trop. Non, c'est fini. Hein. C'est fini pour moi. Là, c'est bon. L'Undertaker, il y aura un dernier match, pas forcément à WrestleMania, mais un match contre Sting, ça paraît pas impossible. Ouais, ça paraît pas impossible, mais ça paraît vachement de trop, quoi. On n'a jamais été aussi proche d'un Undertaker Sting, quoi, maintenant, les gars. On n'a jamais été aussi proche de ce match. Ouais. Mais si tu veux faire un Undertaker contre Sting, tu le fais à WrestleMania. Maintenant, c'est fini de le faire à WrestleMania. Tu peux plus le faire à WrestleMania. Non, tu peux plus maintenant. Tu peux plus le faire à WrestleMania. C'est pour ça que je te dis SummerSlam. Ouais. Moi, je pense. Justin, il a filité au WrestleCon. Il a dit mon chiffre préféré, c'est le 31. Donc, déjà, à mon avis, il va pour WrestleMania 31. Mais s'il y a un pay-per-view, ils doivent le faire en dehors de WrestleMania, c'est Survivor Series. S'il doit finir la carrière de l'Undertaker, c'est à Survivor Series. C'est là où il a commencé, c'est là où il va finir. Mais non, mais enfin, tout le monde s'en branle de Survivor Series maintenant. Ouais, mais bon, s'il y a ce match-là, Gus, tout le monde s'en branle. Voilà. Et puis, c'est symbolique. C'est symbolique. T'as fait commencer le personnage là, tu le fais finir là, c'est symbolique. S'il y a un autre endroit que WrestleMania où le match doit se faire, c'est Survivor Series, pas SummerSlam. De toute façon, Undertaker à WrestleMania, maintenant que la streak est finie, je veux dire, ça sert à rien de... Ouais, ça sert à rien. Ce serait le match de trop. Bon, ouais. Déjà, écoute... On n'est pas loin du match de trop, là. Au niveau feud, au niveau construction de feud, si on prend vraiment les WrestleMania, pour moi, et je suis pas le seul dans ce cas-là, à part de WrestleMania 27, je parle au niveau feud, je parle pas en qualité de match. WrestleMania 27, déjà, la construction de la feud contre Triple H à WrestleMania 27, elle était pas bonne. Alors ils ont sorti quand même le truc que Shawn Michaels avait pris sa retraite un an avant, que Triple H est un ami, mais c'était quand même fait un peu à la va-vite. Bon, si vous regardez bien WrestleMania 29, s'il n'y a pas malheureusement, et plus à son âme, la mort de Paul Bearer, mais ce match il sort de nulle part contre CM Punk, déjà l'année dernière. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Et là, franchement... CM Punk, je te rappelle que CM Punk, il avait gagné le droit d'affronter l'Undertaker dans un Fatal 4-Way match. Ça servait à rien. Ah voilà. Non mais c'est clair. C'était dans Zero Old School d'ailleurs. C'était un peu truc pique-nique douille, qui est-ce qui va s'attaquer à ça. Mais tout le monde savait que ça allait être Punk. Là où je te rejoins, c'est que le dernier match où c'était construit, c'était WrestleMania 28, et puis tout le monde pensait que c'était le dernier match du Taker. The End of an Era, c'était totalement dans l'esprit de dire, on finit la streak là-dessus, au revoir. Mais moi, je m'attendais à ce que ce soit fini. Exactement, c'est là que ça aurait dû se terminer. C'est déjà ce que je disais, moi, sur le podcast de WrestleMania 29. Même si le match contre CM Punk est très bon, mais il fallait s'arrêter à WrestleMania 28, End of an Era, dans les bras de Triple H, dans les bras de Shawn Michaels. Les trois qui s'entouraient comme ça, c'était la fin du... En plus, 20-0, voilà, 20-0. Et puis c'est là que je regrette le choix de Brock Lesnar, parce que, c'est pas quelqu'un qui a forcément une grosse histoire avec la WWE, une histoire forte, mais une histoire courte. Et bon, même si il est crédible, même si c'est pas forcément le pire choix du monde, il représente pas l'avenir de la WWE, c'est le mec qui va faire quoi? 4-5 ans maximum encore. Et après, il va arrêter. Orbaz, je sais pas si t'as eu l'occasion de lire l'article des Cahiers du Catch. Si. Et il y avait une bonne idée qui était justement l'idée de se dire qui pouvait briser la streak à part le gars que tout le monde déteste. C'est sûr. Qui va oser s'attaquer en futur de la WWE et dire j'ai brisé la streak, il faut aller un gars que tout le monde déteste, et Lesnar a été finalement le bien choisi. Je trouve franchement les arguments bons, mais en dehors de moi, franchement, en dehors de l'aspect du personnage, ce que je regrette, c'est le choix du mec qui est pas un mec. Mais toi, t'aimes pas Lesnar. Mais c'est parce que c'est un mec qui vit pas le catch. Non, tu dis ça parce que t'aimes pas Lesnar. C'est un mec qui vit pas le catch. Mais oui, mais tu dis ça parce que t'aimes pas Lesnar. Parce que c'est un mec qui vit pas le catch. Ah, ça on le sait, t'as fait depuis 10 ans, on sait que c'est un type qui vit pas le catch, qui vit pour le pognon. Mais tu dis ça parce que c'est Brock Lesnar. T'es pas vraiment objectif là-dessus, quoi. Je suis pas objectif, hein, je l'ai déjà dit. Je suis pas objectif là-dessus. Je trouve que les arguments pour dire que Brock Lesnar pouvait briser la streak sont, des arguments tout à fait valables. Mais je trouve aussi valable le fait de dire que Brock Lesnar n'est pas forcément le gars sur qui compter pour l'avenir, sur qui, franchement, le fait d'avoir brisé la streak, ça va durer. C'est pas quelque chose. Là où on est d'accord, Orbaz, je pense, c'est surtout le match qui a été fait, la manière dont le match a été fait, qui aurait pas dû être le match de comment on fait sortir le Taker, mais ça. C'est exactement ça. Juste dire quelque chose. Le truc qui fait vraiment plus mal, c'est cette manière. Ouais. C'est vraiment la manière qui fait le plus mal plutôt que le choix, quoi. Un truc qui me fait penser de ce que vient de dire Orbaz dans son petit monologue tout à l'heure. Ajus a dit quelque chose d'assez intéressant. Pendant que Lesnar remontait vers les coulisses, il a dit tout simplement: Brock Lesnar est devenu l'homme le plus détesté des États-Unis. Non, pardon, je m'excuse. Brock Lesnar est devenu l'homme le plus détesté au monde. C'est de Louisiane qui dit en premier. Oui, voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils vont même pas capitaliser là-dessus, puisque Brock Lesnar va une période de repos. Donc tu capitalises pas du tout dessus, alors qu'il pourrait clairement être dans un match contre Bryan maintenant, être challenger numéro 1, puisqu'il bat Taker, logiquement. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Lui, il prend son chèque, il se casse. C'est ça qui l'intéresse. Ouais, non, mais le personnage. Il est pas venu pour prendre un titre. Là, on parle du personnage. Le personnage, quand il est revenu, il voulait le titre. Là, ce qui va être bien, en fait, c'est qu'on va laisser une période où Cesaro, il va être avec Paul Heyman, donc ça va permettre de pas oublier la streak. Paul Heyman, il va se faire un plaisir de rappeler que c'est le mec qui a comme client le mec qui a brisé la streak. Il va s'en faire un plaisir pendant 6 mois. Et Brock Lesnar, il va revenir vers SummerSlam, quand Bryan aura eu un règne de champion tout à fait satisfaisant, et il va offrir un défi à Bryan. À mon avis, ça va être comme ça. Il laisse un temps, et de toute façon, le fait d'avoir brisé la streak, tu peux t'en servir quand tu veux. Il peut disparaître pendant un an et revenir pour WrestleMania. Le mec, il va dire, j'ai brisé la streak, c'est bon, il va être tué direct. Enfin, voilà, quoi. De ce côté-là, c'est très intelligent. Franchement, le fait d'avoir choisi un gars qui a Paul Heyman comme manager, c'est très intelligent, parce que c'est un mec qui va forcément en rajouter une couche. Et enfin, voilà. Ouais, Le choix de Lesnar est pas totalement, dégueulasse, hein. Je critique parce que j'aime pas le gars, mais c'est vrai que le choix est pas forcément totalement dégueulasse. Ben, ce que je voulais dire, moi, c'est que Brock Lesnar, déjà, je suis désolé, mais Dune, il n'en a pas besoin de cette victoire-là. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, si demain, il a besoin d'un match de championnat, Lesnar, il a tout à fait le CV pour avoir un match de championnat. Il n'a pas besoin de dire, j'ai cassé la streak d'Undertaker. Ça, c'est une première chose. La streak d'Undertaker, on l'aurait offert à Randy Orton à WrestleMania 21 à l'époque, je veux bien. On l'aurait offert peut-être à un gars que ça peut lui servir, que ça peut le bonifier pour l'avenir. Un mec comme Roman Reigns ou un mec comme Bray Wyatt. Là, c'est intéressant. Un mec comme Brock Lesnar, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin de battre Undertaker. Il n'en a vraiment pas besoin. Déjà, il avait battu Undertaker plusieurs fois. Dans les autres années, bon, c'était pas WrestleMania, mais il avait déjà affronté à No Mercy 2002, Unforgiven 2002, No Mercy 2003. J'en ai beaucoup parlé sur les autres podcasts en disant que c'était des très bons matchs. Et bien sûr, si on les regarde aujourd'hui, ce sont des très bons matchs. Mais là, à WrestleMania, c'était une purge, une vraie purge ce match. Nul, aucune construction, c'était lent, chiant. Moi, je pense que c'était voulu, ça. Moi, je pense pas, tu vois. Moi, je pense pas. Je pense qu'il n'y avait aucune construction dans ce match-là. Je sais même pas, Taylor Brooks parlait du booker en chef. Moi, je peux te dire, pas avec certitude, hein, parce que pas non plus déconner, attention, hein, mais je pense très sincèrement que même pas il y avait un booker sur ce match-là, que les deux se sont concertés et que les deux ont booké leur propre match. Je pense Undertaker, il y avait un accord avec Brock Lesnar. Un accord. Ça fait quelques années. Apparemment, il y a une vidéo où il revoit l'Undertaker demander à Brock Lesnar quand il sort d'un ring de l'UFC, what I do it. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? C'est vrai que quand tu regardes. Si Vince McMahon dit non, la streak ne t'a pas terminé, ils vont pas le faire. Hein. Quelque part, il y a eu un accord de la WWE et donc de Vince McMahon, Triple H. Mais surtout le vrai désir de l'Undertaker. Mais c'était le vrai désir de l'Undertaker, je pense aussi. Et apparemment, sur le match, l'Undertaker aurait un problème physique. Sa hanche aurait lâché au mauvais moment, en gros. Hein. Une petite précision que je voulais donner. Kurt Angle avait dit en interview, il y a un gros moment de ça, hein, ça date de plusieurs années. Kurt Angle avait dit que l'Undertaker lui avait demandé de briser sa streak à WrestleMania 22. Finalement, Undertaker a affronté Mark Henry. Kurt Angle était champion à ce moment-là, donc lui s'est retrouvé dans un triple threat match face à Mysterio et Randy Orton. Donc apparemment, Taker il était prêt à offrir sa streak à Kurt Angle à WrestleMania 22 déjà, et Undertaker lui-même avait dit qu'il était prêt à laisser sa streak à Kane. À Kane. Il a affronté déjà deux fois à WrestleMania. Si à la limite, tu vois, j'aurais préféré que ce soit Kane qui brise la streak plutôt que Brock Lesnar. C'est à WrestleMania 14, c'est à WrestleMania 20. Kane, ça aurait dû être avant. Kane, ça aurait dû être avant parce que maintenant, ça aurait servi à rien, quoi. Ça aurait servi totalement à rien que Kane batte l'Undertaker maintenant. Bon, enfin, pour moi, il a fait deux matchs pour l'histoire. Pour conclure. Dommage de trop, clairement. Désolé, franchement. En tout cas, c'était très mauvais, très très mauvais. Quelle déception que ça se termine comme ça, quand même. Une streak aussi longue. Des fois, j'étais avec des collègues, on en parlait, on se disait comment ça va finir si un jour ça se termine et tout. Alors que ça se termine, moi je suis pas non plus pour qu'il n'y ait pas de fin à cette streak. Je suis pas non plus un pro Undertaker en disant il faut pas qu'Undertaker perde, c'est pas ça. C'est juste la façon dont ça a été fait et le catcheur choisi. Ce qui est triste, c'est que t'as l'impression qu'il cède trop rapidement. C'est le mec qui encaissait des finishers, 3-4 finishers dans un match, et là il cède au 3ème F5. Bon, je sais bien que Brock Lesnar est une brute, mais franchement, bon. Ben, t'as pas l'impression qu'il a tout donné, quoi. Bon, t'as l'impression que c'est un vieux papy, quoi. C'est tout. Je pense que le match aurait dû être un petit peu plus long. Et c'est. Ouais, non. Ils sont arrêtés là parce pas que. Comme ça, pas comme ah, ça. Non, mais... non, ils auraient dû faire le même match qu'avec face à Triple H à WrestleMania 27. Le Taker. Un no disqualification, entre guillemets. Ouais, c'est Walls Bard, ouais. De la casse, il en fallait. Lesnar, il est fait pour ça. Ouais, il aurait fallu un cash miser, quoi. Un cash miser, pardon. Personne n'en a parlé, mais l'Undertaker a quand même fini à l'hôpital après le match et avec une commotion cérébrale. Ouais, mais c'est ce que je disais, hein. À mon avis, il y a eu des pépins aussi physiques pendant le match qui l'ont un peu handicapé, quoi. Ils ont été un peu stiffs par moment et ça a dû influer sur le match, à mon avis. Justement, ouais, la commotion cérébrale, moi j'ai lu dans une news que dû à cette commotion, c'est Brock Lesnar qui avait les rênes du match, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vraiment eu une direction claire dans ce match et qu'on a moins apprécié le spectacle que si ça avait été Undertaker qui dirigeait. Ah, c'est fort possible, Seb, parce que Lesnar, lui, il n'est pas connu pour ça. Si vous regardez bien les combats de Brock Lesnar qu'on a eu ces derniers temps, les meilleurs combats, c'est souvent quand c'est un no disqualification ou no holds barred, tout ça. Après, le match simple qu'il avait eu, c'était contre Triple H, ça battait du SummerSlam. C'était au SummerSlam 2012. Il n'était pas bon, hein. Et après, ces matchs contre Triple H qu'il a eu, c'était très très bon. Il s'est très très bon après les autres. Ouais, et il est bon que dans ça, que dans ce type de match. Et là, c'était un match simple. Et tu avais l'impression, non, franchement, il n'y avait aucune construction. C'est ça le problème. Alors peut-être qu'OK, ça a diminué Undertaker, mais quand même. Non, ça va vraiment pas. C'est un gros point noir dans la soirée. Et derrière, personnellement, et je suis pas le seul aussi dans ce cas-là, je pense que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi, on a du mal à s'en remettre, hein, même si le main event, on est tous contents, mais on a quand même du mal à revenir de ce match. Après, waouh, c'est compliqué pour moi mentalement. Ça t'est tellement choc émotionnel. Ah ouais. Le match des divas, j'ai eu du mal à le regarder. Ah, elles ont toujours du mal, hein, les pauvres divas, elles passent toujours derrière des matchs. C'était le cas aussi à Elimination Chamber où elles étaient passées derrière le Shield contre les Wyatt dans ce match fou. À noter également que la sortie du Taker n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de revoir auprès des fois. C'est pour ça que moi je vous dis, c'est pas fini. Si. Non, ça peut pas être fini. Mais, parce qu'on l'a même pas vu en rôle le lendemain, donc ça peut pas être fini. Moi je vous le dis, ça peut pas être. Moi ouais, ça me ferait mal qu'ils fassent une rivalité supplémentaire. Franchement, ça me ferait mal. Mais ça sera plus pour WrestleMania. Et la sortie de l'Undertaker, c'était symbolique, hein, parce que dès qu'il gagne son match, en général, il lève son bras avec le dos tourné à la foule, et cette fois-ci, il avait juste le dos tourné, il n'a pas levé le bras, parce qu'il n'a pas gagné, donc c'est normal, moi, je trouve. Mais ouais, non, mais c'est un choc, ouais, ben, vous avez parlé d'un petit peu toutes les pistes, donc je crois qu'on a été complet. D'ailleurs, ben, les réactions auditeurs vont un peu vont toutes dans votre sens, donc ouais, du dégoût un petit peu quand même, beaucoup même sur le fait que ça se termine sur ce match moyen assez lent là, enfin une telle page se tourne comme ça. Et ben voilà, comme vous, ben ils ont eu du mal à regarder la suite, donc mais on va quand même passer à la suite. Hein. J'ai un dernier truc à dire concernant une réaction de public. Est-ce que vous vous rappelez du fan de Brock Lesnar le Brock Lesnar guy à oui. Est-ce que vous l'avez revu à WrestleMania? Ah oui, oui, ah, oui, oui, il a tiré. Il a tiré une de ses tronches. Ouais. Et vous avez remarqué à côté de qui il était à côté de Sad Guy, c'est ce type-là qui avait fait apprendre ou à laisser, où il y avait Chris Jericho et Edge qui étaient dans le public. Bon, bref, on s'en fout. C'était la réunion des mêmes internet. Ouais. Et c'était vraiment, quand tu vois la gueule de Sand Guy et la gueule de Brock Lesnar Guy, c'était un truc de fou quand même, parce que personne, ça m'a donné des frissons de les voir comme ça, parce que eux, ce sont de vrais fans, quoi. Il avait limite envie de chialer, Brock Lesnar Guy, tu vois. C'est vrai que ça a tellement été surprenant que sur le coup, tout le monde se dit, mais il y a une erreur de l'arbitre, il y a un truc qui va pas. En plus, le fait que la WWE mette pas le thème de Brock Lesnar directement après la victoire, ça laisse ce petit moment de flottement où on se dit non, c'est pas possible, ils sont plantés, ça aurait pas dû finir comme ça. Ah ouais, niveau mise en scène, le moment la streak, c'était parfait, ouais. C'est vraiment là-dessus, ils sont gavés pour le coup. Ce sera tout, merci, au revoir. Ouais, ben, de toute façon, je te gardais dans le coin parce que t'es toujours le spécialiste quand il faut parler des jolies dames. Oui. Avec Vicky Guerrero, Divas Championship Invitational Battle Royale. Non, c'est une connerie. Match. On dit pas Battle Royale. Déjà au pré WrestleMania, Bruce Lee voulait que ce soit une bataille royale. Non, mais c'est surprenant parce que. Ben, quand tu vois un match simple en 14 divas. Oula, ouais, voilà, ouais. J'en commence parce que. AJ Lee a gagné donc face à 13 autres divas, si je les ai bien comptés. Par soumission sur Naomi après 6 minutes 48 donc Kevin, qu'as-tu pensé de ce bordel? Enfin, est-ce que tu as réussi déjà à t'y remettre dedans? Enfin, ouais, vaguement, pour le plaisir des yeux, c'était sympa. Non, sinon après il y a eu le moment sympa dans le match, c'est quand il y a les trois tombées qui sont effectuées en même temps et que l'arbitre s'est plus donné de la tête. Mais sinon après le match en lui-même, c'était pas non plus un truc de fou. Il y a eu les sauts suicidaires des sœurs Bella, et après AJ qui fait abandonner, qui montre qu'elle est véritablement la chef des divas actuellement. Et sinon après, ouais, non, c'était effectivement, je pense que vous allez le dire pour les autres, on est encore sous le choc du taker, donc c'est un petit peu dur, ça, à remettre. Bah, il y en a un qui est jamais sous le choc dès qu'il faut décrire un match, je crois. Allons-y. Alors, que vas-tu nous prendre, là, comme analyse? Moi, je trouve ça dommage, justement, qu'il y ait eu ce choc, parce que, vu que c'était le bordel, c'était un bon match. Franchement, en le regardant après une deuxième fois, pas en live, c'était cool. Et sans plus, mais c'était cool, quoi. Voilà, c'était un match rapide, un peu à l'image du Shield, avec un peu moins de puissance. Mais il y a eu quelques spots sympas, les Bella qui font un petit peu collaboration, Natalia qui essaye un double sharpshooter, enfin bref. Il y a eu quelques spots assez sympas et le match était plutôt rythmé et pas du tout ennuyant. Donc du coup, c'était sympa. Et c'est dommage que ça arrive juste après un tel choc. Mais bon, après, c'était un peu fait exprès, c'était pour digérer un peu la foule jusqu'au main event, quoi. Voilà. Ah oui, c'est la petite tranche de bacon au milieu de deux matchs assez gros, quoi, oui. Les deux main events, en gros. Parce que, on va passer au main event, le triple threat match pour le titre WWE World Heavyweight. Daniel Bryan, donc, qui s'est ajouté pour affronter Randy Orton et Batista, et a gagné après avoir fait soumettre Batista après 23 minutes 23. Il ne fait un yes, bah, c'est prévisible, ma foi, parce que c'était un petit peu ce que tout le monde attendait, et puis il valait mieux. Bah, j'ai commencé là, les réactions auditeurs, tiens, avec Kevin Fages, lui qui a un peu zappé le match, mais il avait l'air cool avec un bon temps de durée. Bah, il a été impressionné par RKO et la Batista Bomb, dont je pense on en reparlera aussi, parce que c'est un petit peu le move du show. Et voilà, pour lui, la victoire de Brian, très cool à voir. Et Greg Gourdou qui, lui, se demande si Brian n'est pas le nouveau Superman de la WWE avec Cena. Parce qu'il ressort vainqueur de ce match malgré tout ça, et quand même le fait qu'il ait été dans une situation de handicap contre ben, en fait trois hommes, parce qu'il y a Triple H dans le coin quand même. Et ouais, les prises de, sur la table des commentateurs furent impressionnantes. Bravo en tout cas à Brian qui a eu son moment de gloire et c'est mérité. Et voilà, tout le monde est content. Vas-y, Gus. Sauf à juste Chéro dont la table a été n'a pas été touchée. Je porte plainte d'ailleurs, c'est dégueulasse. Mais ouais, en fait, ils voulaient pas impliquer Ajus et Chéro parce que c'était leur première fois. Et finalement, les plus expérimentés, c'est-à-dire ceux de la Spanish and Unstable, ils ont oublié un moniteur et Orton a failli gravement se blesser là-dessus, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'était vachement bien foutu parce que sur le coup, quand Brian est par terre et Orton aussi, et qu'il passe le ralenti et que tu vois que Orton se massacre contre le moniteur, sur le coup, je sais pas vous, mais moi je me dis, ils ont foiré. Sur le coup, je me dis, mais putain, merde, en fait, ils sont en train de chercher. D'ailleurs, tu vois Batista qui regarde, qui sait pas trop. Ils essayent de voir un peu comment ils peuvent s'en sortir. Tu sens vraiment qu'ils sont en train de chercher le plan B, de se dire, qu'est-ce qu'on fait, comment se passe la suite, quoi. Non, franchement, j'étais à fond dedans. Mais Orton, il s'est... Parce que, D'ailleurs, Orton s'est ouvert le dos. Parce qu'Orton s'explose, que je pense que si Orton tombe normalement, ça serait peut-être moins bien passé. Mais là, pour le coup, sans faire exprès, finalement, il a mis tout le monde dedans à fond. C'est clair. Moi, quand on a vu la défaite du Taker, je me suis dit que rien n'est rationnel dans ce show, que finalement, ce qui était une certitude au début, c'est-à-dire que Brian gagne, finalement, j'ai commencé presque à douter. Je me dis, la WWE va peut-être nous faire le gros fuck jusqu'au bout et ne pas gagner Brian. Donc, ça a été le vrai soulagement dès qu'ils l'ont fait. Hein. C'est que l'accomplissement normal de ce qui se passe depuis SummerSlam, enfin le couronnement tant mérité de Brian. Hein. Le match en lui-même était extrêmement overbooké, et si ça avait été Cena à la place de Brian, on aurait été sur le match, mais là, vu que c'est Brian, ça passe totalement, et finalement c'est le sentiment de joie qui nous emporte plus que chose avec cette victoire. Renaud. Très bon match. C'est un très bon combat, même si, on le dit tous, hein, mais j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup de mal à revenir au show après cette défaite d'Undertaker. C'est vrai que pendant les entrées des catcheurs, j'étais encore un peu sous le choc. Après je me suis mis dans le bain, et puis c'était un bon match. L'intervention de Triple H, elle a été quasi inévitable. Ça aussi, on en avait déjà parlé dans les podcasts d'avant. Bon, voilà, ça a été fait. Ça a été bien fait, d'ailleurs, parce qu'il a ramené Armstrong avec lui, l'arbitre. C'était pas mal fait. Oui, le spot sur la table, il était génial, même si, quand même... C'est pas un RKO, hein, je veux dire, Orton, quand il prend le catcher à l'envers, c'est plus un brise-nuque, hein, au final. Il y a le powerbomb, oui, mais c'est un brise-nuque, il accompagne en brise-nuque. Mais c'était magnifique. Et puis le match a comblé mes attentes, puisque Brian devient champion du monde, et c'est ce qu'on voulait voir, c'est ce que tout le monde voulait voir. Le show se termine par un face qui gagne avec les confettis et les feux d'artifice. Heureusement pour WrestleMania 30. Même si c'est le cas pratiquement à tous les WrestleMania. Qu'un face finisse. Alors, moi je vais revenir sur ce que Gus a dit tout à l'heure en début de podcast en disant que Daniel Bryan c'était pas un changement de génération. Alors là, tu vas m'expliquer ce que c'est qu'un changement de génération pour toi, parce que je suis désolé, mais sinon... Mais attends, après, pourquoi on a réuni les deux titres à ton avis? Parce que le championnat du monde poids lourd ne servait à rien. Ça faisait 2 ans qu'il ne servait à rien, c'est tout. Du coup, on l'a réuni avec le championnat du monde WWE. Après, si tu me dis, oui, il a gagné le titre WWE, il l'a gagné quoi? 1 jour maximum. Donc voilà, il n'avait pas touché le titre. Alors, je suis désolé, mais non, c'est un changement de gestion. C'est un changement de... Ils ont pas arrêté de construire la rivalité là-dessus. C'est-à-dire sur le fait que Brian n'était pas assez bon pour être le visage de la compagnie. Ils n'ont pas arrêté de faire ça, alors que là, ils gagnent, c'est un changement de visage de la compagnie, c'est un changement de type de catcher qu'on avait pu entreapercevoir avec CM Punk, mais CM Punk qui s'est barré. Et là, Daniel Bryan, c'est autre chose. C'est un mec qui fait, je sais pas, qui fait combien, il fait 1m80, un truc comme ça. Ouais, t'es gentil. Fait... Je suis gentil, ouais, ouais, je suis gentil. Enfin voilà, il est plus petit que les catcheurs habituels, il est plus léger, même s'il a pris en masse musculaire, et d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Enfin voilà, quoi. Donc, aussi, c'est totalement un changement de génération. C'est un... Si c'est pas un changement de génération, c'est en tout cas un changement de, d'image de la WWE qui accepte ces catcheurs. On voit d'ailleurs les gagnants sur toute la soirée. C'est qui? C'est Cesaro. Bray Wyatt, même s'il n'a pas gagné, je suis désolé, mais il représente l'avenir aussi. The Shield, c'est Seth Rollins, Dean Ambrose, qui représente quand même un catcher, un type de catcher assez différent. Roman Reigns, ouais, j'allais y venir. Mais lui, c'est un peu plus classique, tu vois. C'est le mec un peu plus balèze. Enfin, ouais, voilà, quoi. C'est un peu plus classique. Et, enfin, voilà, quoi. C'est des mecs qui sont pas l'image type de la WWE. Tu vois que ça change. Tu vois qu'il y a vraiment un changement dans ce WrestleMania qui se dessine, un changement de génération. C'est tout. Après, voilà. Bon, je vais venir sur le match sinon. Le match en lui-même, franchement, il est très bon. C'est, même si t'as du mal à te sortir du Taker, franchement, je trouve que le match m'a rapidement remis dans le bain. Rien qu'avec les interventions de Triple H et Stephanie McMahon. Par contre, j'ai pas vu Batista rentrer, ça c'est... Batista, je l'ai totalement zappé pendant un moment. La Batista bombe couplée avec le RKO est magnifique. On a beaucoup craché sur Batista ou sur Randy Orton, mais les mecs ont fait le boulot. Franchement, ils ont fait le boulot pendant tout le match. Même Batista a été plutôt convaincant, même si, bon, tu vois qu'il peine un petit peu par moment, mais le fait que ce soit à 3, ça cache pas mal le truc. Enfin, ça cache pas mal le fait qu'il ait du mal physiquement. Et puis ben le fait que ça finisse sur une soumission, ben c'est l'apothéose, quoi. Le fait qu'il tape, c'est encore plus fort qu'à tomber, le fait de taper taper sur une soumission, parce que Daniel Bryan au début c'était vraiment le mec à soumission, et ça représente vraiment ce qu'a été l'évolution de Daniel Bryan à la WWE et ce qu'il est devenu. Il y a peut-être de l'overbooking, mais à ceux qui disent que c'est un booking à la Cena, en même temps, on s'est tapé 9 mois où le mec n'a pas pu toucher au titre à cause de Triple H. Il fallait vraiment qu'on remontre encore une fois qu'il a vraiment tout surpassé pour arriver jusqu'au titre. Et c'est un booking vraiment normal. C'est un booking que Stone Cold a pu avoir aussi, je pense. Hein. Renaud, tu me contrediras pas. Je pense que Stone Cold, parfois, il a eu un booking un peu comme ça, un overbooking assez élevé. Je ne te contredis pas du tout. Donc voilà, c'est un booking assez classique pour quelqu'un qui s'oppose à l'autorité. Et donc voilà, il n'y a rien à reprocher à ce main event qui finit de la meilleure des façons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Aussi, je peux juste faire un tout petit, oui, parallèle un peu vintage. Je repense à WrestleMania 20 où là aussi c'était une sorte de passage de flambeau au niveau booking et résultat, où en fait John Cena avait gagné le Big Show. John Cena était pas là depuis longtemps, il est arrivé en 2002 et c'était son premier WrestleMania. Il avait gagné le Big Show pour le titre des États-Unis, et puis il y avait aussi l'évolution avec Randy Orton et Batista qui était tout jeune, qui avait gagné Mick Foley le Rock, même si dans l'équipe de l'évolution c'est vrai qu'il y avait Ric Flair, hein, ce soir-là, mais quand même il y avait Randy Orton et Batista tout jeune, et Chris Benoit lui était devenu champion du monde face à deux gros main eventers qui étaient Triple H et Shawn Michaels. Et le show s'était terminé avec Chris Benoit et Eddie Guerrero. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu glauque d'en parler aujourd'hui, mais à l'époque, de terminer sur Chris Benoit et Eddie Guerrero avec les feux d'artifice et les confettis, c'était une sorte de passage de flambeau, et le sous-titre de ce show-là, c'était « Tout recommence à nouveau ». Et j'ai l'impression, oui, hein, Robaz, encore une fois, je vais te rejoindre, j'ai l'impression qu'à WrestleMania 30, c'est un peu ça aussi, tu vois. WrestleMania 20, c'était le cas, et là, WrestleMania 30, ils refont encore cette chose-là. Moi, j'aime bien ce petit parallèle-là, donc je voulais le rappeler. Kevin, oui. Oui, je me fais un petit peu l'avocat de Gus. Un petit peu, hein. Un petit peu, parce que je suis aussi un petit peu beaucoup d'accord avec Pierre. Oui, maître, alors. C'est vrai que, bon, Brian, ça fait depuis maintenant 3 ans qu'il est à WWE, enfin 4, si on compte NXT. Donc c'est vrai que c'est pas non plus la nouvelle génération, au sens où, par exemple, comme The Shield ou Cesaro, ça fait que très récemment qu'ils sont arrivés. Après, c'est sûr que c'est un peu dur de pondre un gars en 6 mois et de dire, voilà, c'est lui que vous aurez pour les 10 prochaines années. Si Brian, c'est quand même le gars qui va remplacer Cena. Donc bon, il fallait un petit peu de temps pour laisser s'installer. Et là où on aurait pu aussi montrer que Cena, effectivement, Brian, c'est le nouveau visage de la WWE, c'est qu'il n'y a pas eu de vidéo promo sur la feud de Batista Orton. Il n'y a rien eu. Pas un mot, pas un truc. Il n'y en a pas eu en réalité, tout le monde s'en foutait. Voilà, c'est pour ça qu'on a senti que tout était vraiment construit autour de Brian, et que c'est lui qui allait être le nouveau visage, au-delà d'être peut-être la nouvelle génération, en tout cas c'est le nouveau visage et c'est effectivement un changement d'image de la part de la WWE. J'ai peut-être rajouté un W en trop. Mais, miroir en plus qu'un moins. Ouais. Mais sinon, ouais, effectivement, c'est pas non plus la nouvelle génération comme Wyatt, Cesaro ou The Shield, mais c'est celui qui va mener le bateau et le fait que Cena se mettra en retrait petit à petit, on sent que le passage de flambeau est en train de se faire. Après, sur le match en lui-même, me semble que Batista botche dès le début, dès le premier passage qu'il a à faire, il me semble qu'il botche un petit peu sur Bryan. Ouais. Et après, non, sinon, le match en lui-même est excellent, il fait plaisir à revoir. Et en fait, c'est marrant parce que, en regardant les matchs, in-ring uniquement, on a une sorte de courbe qui se fait, où ça démarre très fort, on redescend très bas avec le match Taker, et puis on remonte ensuite au niveau de la qualité avec le main event. C'est assez particulier, comme le seul mania, ça n'a pas été très constant de ce côté-là, mais j'en parlerai au moment de donner la note. Oh, je vous encourage vite fait à regarder le documentaire sur Bryan qui a été diffusé après Main Event mardi, ce Journey to WrestleMania consacré à Daniel Bryan. On le voit dans les coulisses quelques heures et jours avant son grand moment à WrestleMania. C'est assez intéressant à suivre, donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Ah, très bien, bonne précision, en effet, ouais. Et on va enlever les confettis des cheveux, pour ceux qui en ont beaucoup. Pour les notes. Vous pouvez en acheter sur eBay. Ah oui, ça aussi, oui. Il y en a qui vendent des confettis à partir de $13. 25 $ d'envoi, ouais. Allez-y, c'est pas cher. Mais en attendant que vous réfléchissiez un petit peu sur vos notes, même si vous en avez déjà une idée, je pense. Mais Greg Gourdeau, lui, sur Total, a dit qu'il était assez dubitatif sur la carte de WrestleMania 30. Mais au final, il s'est bien éclaté en le regardant en direct. Bravo à WWE pour les décors et les entrées tout aussi magnifiques. Puis on a eu nos commentateurs français en live. Ce fut la cerise sur le gâteau. Et lui, il a noté 8. Kevin Fages, lui, a dit un superbe WrestleMania si on supprime le Lesnar Taker, ce qui fait une note de 7/10. Et bravo à Christophe Ajus et Philippe Giraud, un grand moment pour eux, comme pour tous les Français, chapeau messieurs. Et voilà. Donc allons-y pour les notes, c'est parti pour la note de Renaud. Je vais mettre un bon 8.5/10, parce que j'ai passé une soirée excellente, vraiment une grosse soirée, on est passé par toutes les émotions, donc c'était très bon, un gros show dans sa globalité, un très très bon WrestleMania, 8.5. Ah. Orbaz. Moi je lui mets 10 au show, parce que tout simplement, j'ai jamais vécu autant d'émotions en un seul WrestleMania, et même en un seul spectacle, donc du coup, je suis passé par toutes les émotions, et je demande que ça à un show de catch. Un spectacle, je demande à ce qui me divertisse, à ce qui m'émeuve, et puis tout y était, donc autant les résultats que les matchs, même exit l'Undertaker contre Brock Lesnar, les matchs étaient vraiment de qualité, donc j'ai pas grand chose à reprocher à ce show en termes de spectacle, donc je vais lui mettre 10. Ah oui, et puis je crois qu'il y en a un autre qui suit un petit peu cette note, Gus. Pareil, parce qu'on n'a pas vraiment le changement d'émotion, on a tout vécu dans ce show, donc je vais me réconcilier avec Orbas sur ma note et le mettre un gros 10, car ça va quand même, pour moi, de mon côté, rester comme le meilleur WrestleMania de tous les temps, et donc en quelque sorte aussi le meilleur pay-per-view de tous les temps. Sébastien. Moi, je vais pas mettre le 10 parce que c'est un petit peu une note utopiste. Donc, je descendrai un petit peu avec un 9. Ça reste un show exceptionnel du début à la fin. J'ai rarement été aussi impliqué émotionnellement dans un show. Et c'est aussi ce comme Orbaz l'avait dit, c'est ce qu'on recherche quand on regarde un spectacle en général. C'est être diverti, être impliqué dans un spectacle. Et là, j'ai jamais été aussi impliqué dans un spectacle que ce soit. Voilà, donc excellent 9. And last but not least, Kevin. Alors, par où commencer? Alors, si on devait le noter en termes d'émotion, je lui mettrais 11. Ah ouais, ouais ça compte pas ça. In ring, je lui mettrais 6. Parce que bon, c'était pas joyeux. Vous savez que j'ai un WrestleMania de référence, qui est le 17. Oh, bah comme moi. Qui est le WrestleMania qui a été le mieux fait par rapport à la soirée. Hein. Je parle pas du Road to WrestleMania, je parle que de l'événement en lui-même. Ah oui, divertissement. C'est celui où il y avait tout vu, où évidemment le main event, The Rock, Stone Cold, enfin bref, il y a eu des matchs toute la soirée extraordinaire. Et sur cet événement, je ne l'ai pas retrouvé. Ce qui fait défaut, c'est qu'en termes d'émotion, on a été à la dose maximale. Quoi. C'est, même pour le X7, on ne l'a peut-être pas. Mais après, in-ring, il a manqué un petit peu, notamment sur le Taker Lesnar. Ça a manqué de matchs un petit peu foufou, de matchs qui vous font en sorte qu'on ne s'arrête pas pendant 4 heures. Le segment d'ouverture avec Hogan, Stone Cold et The Rock prend quand même une bonne demi-heure. Donc du coup, au bout d'une heure, on a à peine un match qui est terminé. Donc forcément que ça n'a pas été à l'avantage du côté in-ring. Donc pour cet événement, je vais mettre un 9 sur 10. Parce que pour moi, j'ai une courte tête, hein, mais pour moi, ça, ce n'est pas le meilleur WrestleMania de tous les temps. Le 17 reste encore un poil devant par rapport à ce côté, il y avait du spectacle en dehors et dans le ring. Ah oui, oui. Bah, c'est quand même une très bonne note, hein, ma foi. Ah ouais, mais le côté émotionnel, forcément, c'est le plus en général, oui. C'est vrai, ça apporte toujours un ou deux points en général. Ben ça fait quand même une note assez remarquable que mine de rien les auditeurs ont baissé qui est de 8,80 genre on dit un tout petit poil au dessus. Meilleure note de l'histoire de Wrestle Radio. On peut pas arrondir à 9? Bah oui si vous voulez aller au dessus oui. Oh non, une moyenne c'est une moyenne. Une déclaration trimestrielle après tout. Ouais on s'en fout. Un petit au revoir sur laisser les bons temps rouler éventuellement ou sur WrestleMania. Laisser les bons temps rouler, c'est le seul défaut du pay-per-view quoi. Et sinon, il n'y avait pas l'Euro après WrestleMania qu'on devait faire? Justement, attends, je voulais demander un dernier mot sur WrestleMania si vous avez une dernière pensée. Moi j'en ai deux. Oui. Émotionnellement choquant. Ah, bien résumé, c'est bien. Moi j'en ai un. Oui. Pyrotechnie. j'en ai un aussi. Historique. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est suivi. Bon allez. Moi j'en ai pas. Oui, c'est bien. Parce que moi je suis trop lent ça. Moi j'en ai 160. Tu taperas sur Twitter. on va passer au Raw parce que le Raw maintenant du lendemain de WrestleMania. C'est Renault me contredira pas, je pense, dans l'histoire n'a jamais eu autant d'importance au fur et à mesure des années. Vraiment. Ouais, complètement, parce que franchement, avant, c'était un Raw classique, hein, il y avait rien de spécial, c'est là depuis, je sais pas, moi, quatre ans. Depuis le retour du Rock, hein. Ouais, voilà, là, ça devient les choses que les fans attendent vraiment. Le Raw d'après WrestleMania, tout le monde attend, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Donc oui, je te rejoins sur ça. Et donc, je vais commencer par la réaction de Greg Gourdou qui a dit excellent avec un public show comme à chaque Raw après WrestleMania, depuis quelques toutes petites années, toutes petites. Le show Heyman fut épique, puis la dernière apparition de Ultimate Warrior, un grand catcheur. Quand il était gamin, il avait la figurine du Warrior. Le temps ouais, pareil. Vite. RIP, ouais. C'est vrai, on en a parlé au début, mais là on doit reparler du coup à la fin parce qu'il a quand même fait une apparition surprise. Ma foi, je m'attendais pas du tout à le voir en Raw, donc il est apparu. Je l'avais annoncé. Ah d'accord. Ah mais moi voilà. Sur le coup, pour une fois, j'étais pas à internet, donc forcément, voilà. Mais il y avait tout plein de choses. L'année dernière, c'était, il y avait eu Dolph Ziggler qui avait caché le ring, semble-t-il, en 2020. C'est ça, bien sûr. Voilà. Cette année, on a eu un changement de titre beaucoup plus mineur. C'était un match dont on n'arrête pas de vous saouler depuis un moment. Il n'y en a pas eu. C'est Paige qui est devenu la nouvelle championne d'Iva en bataille sur une seule prise rapide. C'est peut-être pas nécessairement de ça dont on va parler. C'est plus un ressenti global pour ceux qui ont vu le show surtout ou l'effet saillant. Moi, j'ai regardé que ce qui m'intéressait, c'est compte. Ah, c'est-à-dire, vas-y. C'est choisir Bad News Barrett parce que bon, je reste un grand fan de Barrett. Hein. Ah oui, alors Barrett, ça c'est un sujet, c'est un. Il a eu une sacrée pop, hein. Il a eu une sacrée pop, le bâtard. Hein. Bon après, c'est fait, c'est dû au fait qu'il y a énormément de fans anglais. Il faut quand même relativiser dans une foule traditionnelle. On verra. Mais c'est que. Orban va pas être content, mais moi je parle de renouveau de Barrett. Eh ben moi je te parie que lundi il n'est pas là. Lundi il n'est pas là, c'est tout. Il sera pas à Raw. Il apparaîtra ou sinon il apparaîtra en tant que Bad News Barrett ou vient dire une bad news et partir. Après bien sûr ce qui m'a intéressé c'est le Page Daily. Qui peut voir comment ça a été sorti Page. Bah, pas nécessairement le match en même, j'imagine. Parce que... Oui, non, mais non, il n'y a pas eu quasiment pas eu de match. Non, quand même, à noter quand même que Page au micro est vraiment un cran en dessous de AJ Lee, il n'y a pas photo. À mon avis, c'est fait exprès, parce que son personnage d'anti-diva, en fait, il est un peu en choc avec le personnage d'AJ qui est un peu déjà comme ça. Donc, je sais pas, ils l'ont lancé un peu en pâture, bizarrement, je trouve. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est de la façon dont Paige parlait, c'était pas aussi, ça faisait pas aussi réaliste, ça faisait vraiment plus récité que si c'était AJ. Oui, mais après, attends, c'est peut-être aussi l'accent anglais, parce qu'elle a vraiment un accent anglais. Non, mais là, c'était vraiment du récité, ça s'entendait aussi. On peut comprendre qu'elle soit stressée. Oui, ah, c'était normal. Franchement, oui, c'était normal. Après, on verra dans, moi, j'attends de voir, je vais pas la juger directement au micro, parce que c'était son premier show dans la main card et franchement elle s'était pas mal sortie, c'est même au-dessus de certaines divas donc c'est plutôt bien hein. D'ailleurs après... elle est au-dessus de tout hein, parce qu'elle est toujours championne diva de NXT, c'est la seule championne diva de NXT derrière le règne de qui est bientôt va toucher 300 jours là, elle a battu le règne record d'LG qui faisait 285 jours je crois donc c'est 295 jours. 95 oula la pauvre, j'ai oublié 10 jours. Donc ouais non mais c'est énorme ouais la responsabilité faire entre guillemets parce que le titre diva n'est pas énorme mais quand même. Par contre le match il était tout pourri hein. Il y en avait pas réellement hein. C'est ça le Baki Blast. Enfin, je veux dire avec le seul move, en avoir un intéressant. Ouais. Le seul move qu'a fait Paige il était foiré donc c'était un peu dommage ça. Enfin voilà quoi c'est quand j'ai vu ça j'ai fait ah merde elle l'a loupé. Enfin voilà alors que c'est une excellente catcheuse hein c'est quelqu'un qui va franchement avoir des combats très intéressants face à Edge Lee et si on leur en donne le temps franchement on pourra avoir de très bons combats féminins. À mon avis ça va être un petit peu renouveau de la section féminine et on risque de revoir des matchs entre Trish Lita, Trish Mickey James. En fait de ce genre ouais. Des matchs de cette époque là on va pas les revoir. Oui, ce sera des matchs de ce genre-là, au niveau qualité, je parle. Qui sait Mickey James? Oui, ou Lita qui a quand elle est revenue son dernier match, donc oui. Et puis quand elle est revenue, face à Heath Ledger, c'était pas mal, hein, ce qu'elle avait fait. Elle était sacrément bonne. Oui, au romil. Dans les deux sens du terme. Merci Gus pour cette touche de classe. Sinon, plus avant d'entrer dans le détail avec vous autres qui avez vu aussi, enfin, à part Page, quels sont tes autres faits saillants? Ah, mon fait saillant, c'est le Shield qui, en fin t'as de show... T'as l'affaire, oui. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais qui a un aide à Brian qui était tabassé par... C'était attendu. Par Evolution, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. C'est ça, mais c'est exactement ça. Il manquait juste Ric Flair et c'était bon. Et non, mais franchement, j'avais des frissons, quoi, en voyant le Shield débarquer comme ça et tabasser l'Evolution, donc... Après, est-ce qu'on a eu d'autres Cesaro, ça t'a... Non Cesaro, oui, voilà. Le passage Swagger-Cesaro, même le match était même assez bon. Et en plus, j'étais gêné parce qu'ils ont cassé la statue d'André le Géant. Donc, vu que c'est un Français, André... Mais d'ailleurs, une petite remarque d'en base qui me faisait rire là sur Twitter, qui a dit... Ouais, je vais te laisser le dire, hein, je pense. Il a toujours pas digéré le fait que le Big Show ait pété tous ses trophées, alors du coup... Ouais. Il s'est vengé sur le trophée d'André. À l'époque où il avait été champion, ouais, en règne calamiteux. En règne pourri, oui. Il l'avait pas digéré, donc forcément. Et puis, ben, Gus, t'oublies quand même la promo de Paul Heyman qui est... Oui, voilà. Ah oh là là. Mais qu'est-ce qu'il balance, ce mec? Franchement, pour lui arriver à la cheville, faut se lever tôt, déjà. Hein. Donc, j'imagine même pas pour l'égaler. Franchement, s'il y a une bonne raison pour laquelle il fallait briser la streak, c'était pour le discours du lendemain de Paul Heyman. C'est un dingue, un dingue. Il a, il est un génie. Et franchement, le pire, c'était moi, ce qui m'a marqué, c'était le I told you so. Tu vois, il dit, je veux pas vous dire que je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Tu vois, c'est le truc qui te casse les fans, etc. Et puis, il arrête pas d'en rajouter une couche. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, il est hyper heel au moment où il parle avec Lesnar, et puis après il arrive pour dire que Cesaro c'est un peu layman guy, et là il est adulé en appelant Zeb Colter papy. Enfin voilà, ouais. Quoi, c'est un génie, c'est le seul mec qui est capable de faire ça, d'être hyper heel en début de soirée et de changer en face en plein milieu, quoi. C'est un tweener, et man, c'est surtout un tweener, quoi. En fait, il s'adapte à son manager, client, voilà. Ouais, voilà, donc c'est ça qui est excellent. Et moi, je pense que les heures. Oui, voilà. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est que, avec un personnage comme Paul Heyman en tant que manager, déjà, ça va aider Cesaro, parce que c'est pas franchement le meilleur au micro. Ça va venir, oui, mais pour l'instant, c'est pas le meilleur, donc c'est bien pour l'aider d'avoir Paul Heyman. Et puis, ça va lui permettre de pouvoir jouer dans les deux registres. C'est-à-dire, il pourrait autant être un face qu'être aussi heel, parce que la présence de Paul Heyman va un peu le dédouaner. Donc, si Paul Heyman veut être un salopard et le rendre salopard, il y aura pas de problème. Ah oui, là c'est Twinner, c'est, ouais, là, c'est sûr. L'association est vraiment très très intelligente. Eh oui, mais c'était une soirée d'Euro où le public aimait beaucoup les îles, mais c'est une habitude, je dirais. C'est une habitude au lendemain de WrestleMania. C'est un public européen. Eh oui, et l'illustration, c'est le match 3 contre 3, là, remporté par la Wyatt Family contre John Cena, Sheamus et Big E. Oula, la pop était énorme pour Wyatt, comme quoi, c'était comme Sébastien notamment, je crois, l'avait fait remarquer, et les auditeurs, Wyatt était ressorti fort malgré la défaite la veille, et donc. On a entendu parler du retour de Rob Van Damme qui a fait face à un Damien Sandow déjà sur le ring, mode jobber. Ouais, pauvre Sandow, ça fait un petit moment qu'il aligne ses rôles comme ça, ses matchs. Il a perdu son cash, hein. C'est dommage, en fait, c'est après avoir fait un bon match face à Cena, ce mec a totalement coulé. Et c'est vraiment dommage, hein. Il y a une petite période où il y a une mini rivalité face à Cena qui s'est finalement conclue en un rien de temps. Et du coup, Sandow, on lui a enlevé un petit peu toute sa saveur. Maintenant, c'est un jobber. Un mid-carder classique. En fait, vous savez pourquoi il a perdu son cash? J'en sais rien. Non, j'avoue, je bosse pas à WWE, mais vas-y. Non, parce que vous n'avez pas remarqué que les titres ont été unifiés et qu'on pouvait pas faire un match d'unification de titre WWE-WHC entre Randy Orton et Damien Sandow. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, en effet. Oula, oui, oui. Et voilà, une révélation. Effectivement, oui. Amen. Et je suis étonné. Quand même, vous avez pas parlé d'un truc, c'est que ils ont pas accepté de mettre les Free and B à Ned, à Brian, à la fin, alors que le public les demandait quand même. Oh, mais. Ouais. C'était pas mal ça. Je pense que c'était plutôt une insulte envers Batista, Kane et puis. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que les Free and B pourraient leur régler le compte, sans problème. Ouais. Mais c'est vrai que le segment Shield contre l'autorité aussi, c'est assez logique, parce que maintenant ils vont coller au fait que l'injustice c'est l'autorité qui déborde Brian de tout partout, et du coup c'est un peu plus, enfin ça va être des faces vraiment naturelles, donc bon. Et ce qui est bien avec The Shield, c'est qu'ils ont quand même aussi ce côté tweener, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'en prendre à des faces autant qu'à des heels, tant que les faces sont pas trop haut, hein, voilà. Mais du coup ça va équilibrer les forces, et Comme The Shield, ils ont eu un match face au Wyatt le lendemain à Main Event, et mais après il y a Seth Rollins qui dit qu'ils se sont préparés à la guerre et que maintenant ils sont prêts à la livrer, et voilà quoi, ça annonce des événements assez chargés et ça promet de bons rôles. Ah oui, le 3 contre 3 contre Batista, Randy Orton et Kane n'est pas utopique pour Extreme Rules, c'est ça. Ça va un peu vite, mais bon. Ce sera les deux, mais je pense peut-être pas Randy Orton. À mon avis, Randy Orton va avoir un match face à. Oui, Daniel, c'est vrai. Bryan, c'est vrai qu'il a sa clause de rematch, donc oui. À mon avis, Triple H remplacera Orton dans le match face à The Shield, à moins qu'il utilise encore son autorité, quoi. Moi, j'ai ce qui est fort possible. J'ai un truc à jeter quand même pendant ce rôle-là, c'est qu'on a appris que Adam Rose allait faire ses débuts. C'est trop tôt ça, ouais, c'est beaucoup trop tôt. J'ai peur. Il va bider, lui je vous le dis, il va bider. Mais disons que l'histoire, c'est qu'il avait lors de sa première apparition un theme song absolument énorme, le truc qui te fait lever la foule, je déconne. Enfin, voilà. Le problème, c'est que la WWE n'avait pas le copyright, donc ils ont dû changer et modifier la musique la semaine d'après, et ça perd énormément de saveur, énormément. Et rien que ça, je crois que il y a quand même beaucoup de fans qui sont au courant de ça, parce que ça avait buzzé énormément quand il était apparu la première fois, et là, c'est empoisonné vraiment. C'est Lou Kruger à voir, hein. C'était le compère de Jesse Gabriel qui est là depuis un moment, hein, en fait, et information, mais et c'est vrai que son personnage est tout récent, hein. Il a affronté 3-4 jobbers, hein, depuis c'est tout, hein, mais voilà. Là, ce qui fera entre guillemets la force du personnage au début, c'est qu'il sera accompagné d'énormément de personnages très bizarres et tout, voilà. Mais ça le fera sur une ou deux apparitions maximum, avec de la chance, je souhaite. Sinon. Voilà. Ça marche beaucoup dans la NXT Arena, mais bon, devant le public WWE, je suis assez sceptique. Voilà. Pareil. Mais il y avait quand même beaucoup d'arrivées, hein, de NXT. Il y a Bo Dallas qui va arriver. Oui, et Rousseff, il a fait son premier match aussi. Donc. Non, Bo Dallas qui va arriver. Oh, non. Alexander Rousseff a fait son premier match aussi, il faut, voilà. Oui, mais bon, lui... Il l'avait déjà catché, déjà. Et puis, mais il n'était pas apparu un match simple comme ça, donc voilà. Mais je pense que Rousseff, ce sera un bide, hein, ça. Il faut pas être... Non, je suis pas sûr, hein. Faut pas être un génie pour le voir. Ah, ben là, j'aimerais l'avis de Sébastien, quand même, parce que... Le catcheur de l'Est... Est talentueux, hein. Il est talentueux, tu peux pas dire le contraire. Ouais, il est talentueux, mais le gimmick du catcheur de l'Est avec une manageuse à la limite de la pute estonienne, désolé hein, de la vulgarité, mais c'est un peu ça. Franchement, on a déjà vu. Orbaz marque un point quand même, je suis plutôt d'accord avec Sébastien sur le fait qu'il peut ne pas se planter, mais Orbaz marque un point sur le fait de la gimmick de Rousseff à lui porter préjudice. Elle est dépassée. Et assez rapidement. Elle date des années 80, elle date des années de Renault. Enfin voilà. Elle n'est plus actuelle. C'est gentil. Elle est vieille, elle n'est plus actuelle. Ouais, mais tu vas trop vite, Orbaz. Je te le dis dessus. Tu peux réadapter à tout moment. Hein. Non, laisse-lui du temps. Il y en a, on va bider. Ouais, voilà. Laisse-lui du temps, on verra bien dans quelques mois où ça en est. Ouais, mais ce qu'il faut. Il y en a, on pensait qu'ils allaient être énormes, et puis c'est parti, pchit, et puis il y en a d'autres qui ont commencé doucement, et puis qui sont arrivés très haut. Exactement, ça vient. Parce que par exemple, il y en a à l'appel. The Rock, au début, c'était rien. Et le Rock, au début, tu le regardes en 97, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce mec? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est juste pas possible. Mais ce qu'il faut à ce gars, c'est qu'il arrête tout de suite d'affronter des jobbers. Parce que c'est le temps d'arriver. Ouais, mais t'as vu où c'est Ryback? Ouais, bien sûr, non, mais voilà. Bon exemple. Mais Big Gobert, niveau in-ring, il y a quand même une supériorité. Et puis, moi, je suis désolé, ce qui m'énerve, c'est encore un big man, et que les big men, il y en a beaucoup à la WWE. Attends, là, justement, ce sera le sujet du prochain podcast un petit peu, mais quand même, tu vois que Mark Henry, proche de la retraite, Big Show, proche de la retraite, faut du nouveau big man. Kane. Il est semi-retraité, donc voilà. Mais alors, je sais même plus si on peut en parler. Mais c'est vrai que le gars est intéressant, hein. Franchement, en dehors du fait que son gimmick ne me plaît pas du tout, franchement, le gars est intéressant sur le ring. Au Royal Rumble, je l'avais plutôt bien aimé quand il avait fait son entrée. Bon, j'attends de voir aussi, j'attends de voir ce qu'il va donner face à des mecs un peu plus talentueux que je crois que c'est Zack Ryder qui l'a défoncé. Oui, il a Zack Ryder, il défonce à nos shows déjà, donc ouais. Donc voilà, ouais, c'est... Zack Ryder, le pauvre. Enfin voilà quoi. Ouais. C'est... Mais je l'attends face à des mecs un peu plus haut dans la carte et voir ce que ça donne. Mais le gimmick du mec de l'Est, franchement, merci. Hein. C'est dépassé. Et je trouve ça dommage parce que le gars, c'est vrai, il a l'air d'avoir du talent pour un big man. Mais on lui souhaite pas alors le destin de Vladimir Kozlov en gros. plus de Bill Goldberg. Ouais. Ouais, davantage. Enfin, sauf même la fin. S'il n'y arrivera pas, hein, ça, je ne vais pas déconner non plus. Oui, voilà. J'ai fait la comparaison parce que Goldberg avait commencé par des jobbers aussi, et puis voilà. On verra ce que la WWE veut en faire, éventuellement. Peut-être d'entrée commencer avec, vu que le gars est international, ils veulent peut-être d'entrée faire un match avec Biggie. Mais à voir. Bon, sinon, la grosse news d'Euro, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est que Fandango et Summer Rae ont cassé. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Voilà. Il a cassé sur Twitter en plus. Mais en plus, je sais pas ce que c'était que ça. Et apparemment, il y a Summer Rae qui dit ouais, son compte a été hacké. Ou... J'ai pas trop compris. C'est, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, mais c'est encore un truc inutile. Oui. D'ailleurs, ce que je trouve aussi dommage, c'est Emma qui ils l'ont fourré avec Santino Marella, et en entrée, ben c'est le theme song de Santino. Et c'est pas terrible, quoi. Alors que c'est beaucoup plus intéressant avec Emma qui rentre et qui fait sa danse bizarre. Moi, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Ah. Ça pourrait entraîner les couleurs, là, je te dirais. Moi, je déteste non, ça, donc ça me dérange pas. Mais c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, mais c'est un truc qui pourrait attirer un peu plus les gosses. Parce que les gosses, le comédie wrestling, ça leur va bien, des fois. Santino, c'est un personnage qui a pu être vraiment très populaire à un certain moment. Au point d'être le dernier éliminé dans l'Elimination Chamber, il y a 2-3 ans, je sais plus exactement, mais. Ouais. Enfin, voilà, c'est un personnage qui était extrêmement populaire. Et on sait que le comédien wrestling, ça peut marcher si c'est bien fait. Mais là, ils le font très très mal, et du coup, forcément, ça passe pas. Et je trouve qu'ils l'ont très mal amené, et là, ils ont pas assez mis en avant le fait qu'elle est un peu spéciale, et qu'elle est un peu, que son personnage est assez décalé. Là, on le voit pas, et elle est un peu totalement absorbée par Santino. Ah, c'est ça, ils l'ont. Plus dans le main roster, il n'est pas guidé, un petit peu comme Xavier Woods, en fait, hein, qui a totalement disparu et qui a fait ses débuts il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est en train de couler le bonhomme. Hein. Et, oui. Et sinon, un membre de la charrette, le premier membre de la charrette, Ezekiel Jackson. Si, il était encore là. L'ancien champion intercontinental, quand même. Oui. Et ancien champion ECW, le dernier. Ça te montre à quel point le titre intercontinental a pu être mal aimé pendant un moment, parce que le foutre à Ezekiel Jackson, c'était quand même une sacrée connerie. Ah, ouais. Ça, les titres, de toute façon, on fera toujours le débat, les titres intercontinental et les États-Unis. Mais ils n'ont pas eu de match à WrestleMania déjà, donc. C'est quand la dernière défense d'un titre intercontinental ou US? C'était à WrestleMania 28 pour Cody Rhodes contre Big Show pour le titre. non, l'année dernière, à WrestleMania, tu parles? Non, je veux dire non, pas à WrestleMania. Ah, match simple. Je croyais que tu parlais à WrestleMania. Ah, Ambrose, c'était contre Mark Henry. Main Event. Fini par la disqualification sur Main Event. Ouais, c'était clair. Ouais, Main Event. Il y a deux mois, quoi, à peu près. Principal. Un Raw ou SmackDown. Peut-être Big E, je crois. Je me demande si non, c'est une connerie. Big E, c'est aussi à Main Event contre Ziggler. Donc, ouais, non. Je me demande si à Raw ou SmackDown. Depuis 2013, à mon avis. Ouais, voilà, c'est dingue. C'est franchement, quand on m'annonce Dean Ambrose champion US, je me dis merde, il met son déco ou... Enfin, je sais pas, ça fait peur, quoi, parce que les titres secondaires, ils avaient au moins quelques rivalités avant, et là, il y a rien du tout. Ah là là, bon à faire, bon, de toute façon. Pour répondre à la question de Kimmy sur Twitter, enfin, sur le chat. C'est déjà mieux. Et voilà, c'est au-dessus de Superstar. C'est au-dessus Superstar, mais oui, en plus. Mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu pour placer des mid-carders ou upper-carders. Bon, là quand même à Main Event là, il y a eu The Shield contre Wyatt Family 3. Et... Oui, non, mais depuis que le network là, depuis l'arrivée, il s'applique quand même. Il y a eu un Brian Kane, donc voilà. Il y a Taker qui est venu aussi faire une apparition. Oui, le Taker a fait un segment effectivement. Donc, voilà, ouais. Ouais, c'est pas rien. Depuis que le contrat avec le diffuseur a été terminé, donc c'est tombé sur le network et maintenant il pousse un petit peu le produit. Voilà, avec des gains un peu plus intéressants. Enfin bon, mais on va finir par une petite note d'émotion, on va dire ce Raw avec le discours, c'est environ une minute, le dernier discours de Ultimate Warrior à Raw, et puis on vous retrouve après pour la conclusion. Well then, you shut up, Warrior, and let me do the talking. No WWE talent becomes a legend on their own. Every man's heart one day beats its final beat. His lungs breathe their final breath. And if what that man did in his life makes the blood pulse through the body of others and makes them believe deeper in something than larger than life, then his essence, his spirit, will be immortalized by the storytellers, by the loyalty, by the memory of those who honor him and make the running the man did live forever. You are the legend makers of Ultimate Warrior. Donc voilà, bon, à moins qu'il y ait un mot à ajouter, on va passer au partenaire. Non, c'est bon. Un discours prémonitoire. C'est un très beau discours et qui restera jamais dans les annales du catch. Puis même s'il est prémonitoire, il est aussi très vrai, quoi. C'est vraiment les fans qui font les catcheurs, et ben on le voit notamment avec Daniel Bryan, quoi. Je pense que s'il y a un catcheur qui a été promu par le public, c'est Daniel Bryan, quoi. Ouais. Et le Warrior à son époque, c'est vrai quand même. Aussi. Le public l'a quand même beaucoup poussé à une époque. Ouais. Et donc, ouais. C'est comme ça qu'il était arrivé à renverser Hogan et sans problème. Donc voilà. Mais sur ce, bon, on va passer au partenaire avec FN Lutte, Voxcatch, où il y en a un qui a été très très actif ici. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais. Oui, il y a bien sûr l'article de Gus. Non, je déconne. Il y a la revue. Attends, il y a la revue de WrestleMania qui vient de sortir, qui est Darren, oui. Et il y a moi qui ai fait un article sur la défaite de l'Undertaker à WrestleMania. Donc c'est disponible sur Voxcatch, vous pouvez aller les voir et poser un petit commentaire. Voilà. Eh oui. Moi, je viens de commenter la news sur Ezekiel Jackson. Le gars, il arrive maintenant. Il est choqué. Gus, il est choqué. J'ai marqué, on s'en fout. En même temps, enfin voilà. C'était plus le fait qu'Ezekiel Jackson ait quitté la WWE, c'était plutôt une nouvelle pour dire qu'il y était encore. C'est clair. Bon. Donc les partenaires. Alors, on a la Wrestling Evolution League là qui a fait son WrestleMania, qui va le faire, je sais pas. Le WrestleMania 6, c'est la 6e édition de WrestleMania de la Well. Sinon, bon. Si en live ou qui va l'être. Oui. Surveillez le site de la Well donc pour plus ample d'informations. Instant Catch Asylum avec Showtime notamment, qui n'a pas pu être avec nous malheureusement ce soir, mais qui sera là prochainement, je pense, pour un podcast TNA, parce que je sais qu'on va en faire un tout début mai sur TNA Sacrifice, prochain pay-per-view de la TNA. Mine de rien, j'ai oublié un partenaire, voire deux. C'est la radio de Kevin, Révolte. Wrestling original, donc. Bon. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter au compte @WestsRadio, sur Facebook @WestsRadio entre parenthèses officielles. Nous écouter sur YouTube, Archive, iTunes. C'est tout parfait, c'est tout complet. Vous pouvez nous écrire à WestsRadio@gmail.com, tout en minuscule, tout attaché. Et après cette auto-complimentation, le programme avec dans deux semaines, donc un podcast spécial sur la nouvelle génération donc qui prend le pouvoir en prévision apparemment avec un invité spécial. Oui, Sylvain Garnalec sera avec nous, voilà, pour parler des. Je sens qu'on va parler de Brock Lesnar, ça va me faire plaisir. Ah non, on va parler de nouvelle génération, on a dit. Oh. Ouais, mais moi j'ai un round 4. Là j'ai des arguments. Le grand copier. Et ensuite, rendez-vous début mai donc avec podcast TNA et puis le prochain, ce sera deuxième semaine de mai sur l'analyse d'Extreme Rules, mine de rien, qui va arriver assez rapidement, à peine 4 semaines après WrestleMania. Le 4 mai, il aura lieu donc podcast qui sera sorti le 9 mai. Voilà. Et bien compté. Ah, ce sera en plus en plein jour férié, donc vous aurez le temps de tout écouter, ce sera parfait. Donc, on espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à réagir, et encore désolé pour l'annulation du live, on espère que, éventuellement pour un numéro spécial, mais bon, on vous le dira, de toute façon, quand ce sera en live ou pas. Oui, on vous laisse pas orphelin, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. On réglera de toute façon les problèmes, assez rapidement. Et bon week-end ou bonne semaine, ça dépend quand vous écoutez. N'hésitez pas aussi à écouter d'autres podcasts d'avant, l'analyse de WrestleMania si vous voulez avant, même pour vous remettre en tête certaines prédictions pour voir si on s'est gamélé, parce que ouais, on s'est gamélé un petit peu, surtout moi, mais Mais et puis on vous dit la prochaine fois pour donc nouveau podcast. Et merci à tout le monde là autour de la table. C'est une table ronde, là je crois, avec pas mal de chevaliers. Donc vous pouvez ranger vos armures et puis repartir à l'étable, je pense. À ciao. On est pas des chevaux. Il nous a pris pour Tripolage. Bisous, zoupi, à tous. Salut les amis.